T'as un truc pour le départ. Un truc. Tu veux quoi? Pas une. Un coton. Non, une, plutôt, je pensais à une anecdote. Ah, une anecdote. Un truc genre, tu sais, qui me fait pas mal de. Qui illustrerait bien le départ. Non, j'ai rien. Là, ce qui me vient à l'esprit tout de suite, c'est ranger cette foutue table. Oh, mais elle est très bien, cette table. Qu'est-ce qu'elle te déplaît? Je sais pas. Il reste 3 émissions avant le fest. Je pense que ça va, elle va tenir. Voilà, là aussi, je peux virer le ramequin, l'album de Nine Inch Nails. Oui, c'est bon. C'est gagné. Ah non, parce qu'elle va vouloir le vendre. Ah oui. Donc, très bien. Ou je le remets là-haut. Moi, j'aurais pu te raconter comment, en essayant de faire tomber une branche, j'ai coincé un râteau et une bêche dans un arbre. Ah, t'es doué, ça, quand même. En voulant? En voulant, en fait, en voulant faire tomber la branche, j'ai envoyé un râteau. Ah, d'accord. C'est coincé. D'accord. Et en voulant faire tomber le râteau, j'ai envoyé la bêche qui est venue se coincer en parallèle. Les deux étaient en parallèle. Hein. Pas mal. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. Oh, je suis pas. Je me débrouille. Non, non, mais c'est bien, c'est bien. On y va? C'est parti. Go. Alors, laquelle Tu l'as vidé déjà, non? Non. Ah, bon. Ah, je vais prendre celle-là. Bon, bon, ça doit être un restant. Kling. Klung. À ta bonne tienne. Attends, bah, il faut boire. Bah oui. Alors, tu bois et je meuble. D'accord. Iker. Conforama, but. Et toi, tu. Super. Vas-y, à toi. Moi aussi, je meuble. Tiroir, clé de 12. Ok. Donc, nous voilà dans l'épisode 22 de cette saison 3 de Road to Hellfest, ou comme on l'aime à l'appeler. L'épisode 22. Exactement. Road to Hellfest. Celui où il en reste plus que 3 avec celui-ci présentement, avant le fest. Exact. Dans 20 jours. C'est ça. Parce que cette année, on va finir la saison non pas à 30. Non! Ça serait beaucoup chiant parce que vu comment on est parti, ouais. Donc on va finir à 25. Ce que 25 est bien pour une saison. C'est très bien. Je veux dire, quand Walking Dead fait une saison de 24 épisodes, on leur dit pas « Oh là là !» Quand ouais. Game of Thrones, ils font 8. Bah si, on leur dit. Oui, on 6, leur dit même. Aussi, ouais. On le, même 6. Ouais, je pense bon, que... ne perdons pas de page, de plage. Ouais, ni de plage. Ni de plage, ouais. Ni d'horaire. C'est ça. Ne perdons rien et allons à l'essentiel. Je t'en prie, commence. D'accord. C'est pour moi la première. La première quoi? La première. Alors, toi, dis donc, mais non, on mais n'oublie non, mais pas qu'est-ce... les petites politesses de... Ah oui, pardon. Alors allez, alors, re-cling. Bon, bah, hein. Alors, allez, re-trois. Cling. Non, non, attends. Quoi? Un clung. Cling. Cling. Cling. C'est un rewind, en ah, fait. Ah, ça re... C'est pour ça. Ah, dis-moi, Bob. Oui. As-tu passé une bonne semaine? Oh, bah écoute, super. Ah bon, comment ça se fait? Ah, bah c'était très bien. Et toi? Eh ben écoute, oui. Ah, j'ai été en colère l'autre jour. Oh là. Ouais. Je travaillais pas et je me suis réveillé à 4 heures. Mmh. C'est comme, hey, tu sais comme je suis tatillon à 4 heures. Hein. C'est vrai. Il y en a qui disent oh, 4 heures c'est mon heure. Moi c'est pas mon heure. Mais non. Du coup. C'est l'heure de pas grand monde, je crois. Ouh, j'ai tapé ça fort, dis donc. Faut pas que je fasse ça. Faut que je revoie mon espace de travail. C'est un peu le bordel ici. Hein. Ah, tu vois, qu'est-ce que je disais. Va peut-être falloir faire des choses pour améliorer. Oh, putain, ouais. Il y en a partout. Non, ce que je te propose, c'est de refaire une petite mise à jour, comme on avait dit qu'on ferait. Ah oula. Parce que j'ai fait mes devoirs et toi aussi. Ouais. Alors, on en avait parlé et on n'avait pas écouté la semaine dernière et c'était impardonnable de notre part. Totalement. Tu te souviens, on s'est regardé, on a dit c'est impardonnable. Ouais, ouais. Bah, j'ai fait 5 Je te salue Marie et 3 Notre Père. Qui est aux cieux? Oui. Très bien, je la connais aussi. C'est la version punk ou la version normale? Bah, en fait, elle a été reprise par The Exploited. Ah oui. Oh, bonsoir. Non mais Julien, s'il te plaît, merde, on bosse là. Ah oh, non. Ah oh, là là là. C'est Julien. Ouais, c'est Julien. Chiant ce Julien. Ah, je vais être obligé de couper le son. Ça comme va te coûter une bière de plus, ça mec. Bah c'est trop tard. Du coup, Hollywood Vampire, on a écouté. Ouais. Donc moi, j'avais dit dans mon post que j'ai partagé sur le face de le book que bah c'était vraiment compliqué de dire que c'était pas bien et que c'était pas efficace. Mais pour ma part, voilà, moi ça me plaît pas plus que ça. Et toi, Bobby? Bah c'est bien, mais moi pareil, c'est pas, voilà, c'est propre, hein, ouais. Voilà, y a rien à redire, et c'est une création de leur part. Donc là, c'est bien, enfin. Chapeau bas. Par contre, c'est quand même une création qui sonne vraiment comme les trucs... qui reprennent. Ouais, ça sonne ouais. Vraiment à l'ancienne, quoi. Ouais. C'est pas ni original et tout, c'est bien fait, c'est propre, mais c'est pas... Ouais. As-tu vu dans la vidéo que j'ai postée du concert que... J'ai posté le concert ou pas? Je ne sais pas, t'as posté un live. Ah bah c'est celui-là. Ou deux lives. Non, un live. Où on voit, du côté de Johnny Depp, il n'y a que des filles, elles sont là comme des dingues. J'ai pas fait gaffe. Alors qu'elles se rendent peut-être pas compte qu'ils pourraient être leur père maintenant. C'est vrai. Moi je trouve ça tout de suite moins sexy. Mais après, bon. Ouais. je suis pas une fille et je suis voir pas fan leur oncle. Ah, ça, ça serait sale. Elie, as-tu posé une oreille? J'ai posé même les deux. Ah ouais, ouais. Et qu'en as-tu pensé? J'ai pas accroché. Alors. Au premier première écoute. Ouais. Ouais. Après voilà, j'en suis qu'à ma première écoute. Bah moi je l'ai écouté 2-3 fois et en fait je pense avoir mis le point sur ce que tu n'as pas aimé. C'est en fait le morceau il est bien jusqu'à l'interlude qui est tout mou, qui est tout bizarre et qui fait pas du tout penser à du Allié. Ouais. En fait il y a toute une partie qui est un peu mielleuse entre deux, ouais. Qui fait complètement redescendre la sauce alors que ça aurait pu rester pas mal. Et après je sais pas si c'est moi mais c'est un morceau avec Vinnie Paul encore. Oui oui. Ouais. Ouais. Bah je sais pas, moi je trouve que son jeu est pas le même. Ah bon. Ouais. Tu crois après qu'il... c'est peut-être moi, je connais pas, hein, je suis pas un gros connaisseur de Allié donc. Bah peut-être. Mais, il a un jeu plus posé pour moi, enfin De ce que tu connais. Ouais, voilà. D'accord. De ce qu'il a fait avant dans ses autres groupes. Il y avait aussi des sorties d'albums où on n'avait pas trop parlé. Possessed, t'avais pas écouté. Moi j'en avais fait la chronique donc j'ai été écouté. C'est un bon album de Possessed, sachant qu'il n'y en avait qu'un avant, c'était pas très dur. Oui. Voilà, donc j'ai pas méga adoré, mais j'ai trouvé que c'était plutôt correct. Whitesnake, j'ai écouté vite fait ce soir, c'est un des mieux que j'ai pu écouter, bah, même si c'est dur de retracer toute leur carrière, même dans ma chronique, j'avais un peu de mal à tout écouter, j'avais trouvé ça très, très FM, très mainstream et tout ça. Là, c'est un peu dans le même style, mais ça passe vraiment bien. Les nouvelles chansons sont top. Savage Messia, qui était l'année dernière au Hellfest, que j'avais plutôt aimé, je sais plus si c'est moi qui avais fait la chronique, j'ai un doute, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé, et cet album est très bien aussi, voilà. Donc ne perdons pas de temps, on enchaîne directement avec la rubrique news. C'est là. Bien, le seul que j'ai pas écouté, c'est Whitesnake. Parce que t'as écouté Possessed? Ouais, j'ai écouté Possessed et Ah bah excuse-moi, Savage Messia. Je pensais pas. Ah bah... Rowin. Allez, hop, alors... Kling. Alors, Possessed, c'est un très... J'ai trouvé ça très sympa. Et toi, t'en as pensé quoi, Bob? Bah ça va, ouais, très bien aussi. Ouais, pas mal. C'est pas mal, hein. Ouais, dès le début, donc là, on parle de Possessed. Ouais, on parle de Possessed, ouais. Ouais. Et Savage Messia? Eh ben Savage Messia, ouais, j'ai plutôt bien apprécié. T'as vu? Mis à part quelques titres quelques passages un peu mous. Ouais. Je sais pas si c'est les titres eux-mêmes, mais quelques passages un peu mous. Mais sinon, je m'attendais pas à ça en fait. Bon, n'ayant pas approfondi le sujet. Ça n'arrive pas souvent, mais t'as écouté ces albums-là, t'as été à jour dans tes publications. Je suis désolé, mec. Je suis. Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Je sais pas. C'est la fin, peut-être. Ah ça y est, t'es. Ouais, je pense que. Tu te libères de tes entraves. Ou peut-être que je me dis que je vais regretter après, alors ça, du coup... Ça veut dire qu'il faut 22 épisodes pour que tu te chauffes. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est cool. Bah écoute, l'année prochaine, on commence directement par le 22. Parfait. Voilà. Écoute, moi, je te dirai que je serai au taquet à fond, quoi, puis je te ferai un super truc. Bah, tu m'étonnes pour 3 épisodes. Bah oui. Ok, donc on peut passer à la rubrique news. Vas-y, fais donc. C'est la rubrique news. Ouh là là, ça me rappelle. C'était Canal ça. Peut-être, ouais. Non, Canal c'est ça, Canal. Enfin, chez moi. Non, mais quand il y avait la pin-up qui tournait là. Ah oui, exact. Oh là, dis donc, ouais. Oui, le samedi soir. Ah non, jamais regardé Canal. C'était pas le premier samedi. Alors, je vais commencer. Nous n'en parlions pas la semaine dernière parce que nous n'avons pas bien bossé, mais Possessed a sorti en plus d'un nouvel album le 10 mai dernier. Et nous n'avions pas pris le temps de l'écouter, mais on s'est rattrapé depuis, donc enfin c'est bien. Donc enfin c'est surtout moi qui aurais dû l'écouter, du coup. Vu que je l'avais chroniqué, c'était ma peine, c'était à moi de porter ce fardeau. C'est d'ailleurs pour ça que je peux vous dire que c'est le premier album depuis 86, parce que je l'ai chroniqué donc que je le sais, et que pour accompagner cette sortie, le groupe a publié un clip pour le titre Graven. As-tu jeté un œil sur ce clip? Yes. Il est plutôt pas mal. T'as vu le curton? Oui. C'est Peter, je ne sais plus comment, là, l'acteur qui jouait dans, qui a fait plein de films, qui jouait dans Prison Break, tout ça. Ah bah j'ai pas fait gaffe. Ouais, qui a joué dans le Delirium de Parnassus, tout ça. Oh, ah, il a fait plein de films. Ça, mais c'est la rubrique cinéma au milieu des rubriques news. Ouais, tu regarderas. D'accord. Tu vas le reconnaître. Ok, et donc oui, non, un prix plutôt sympa. Oui, oui. Très bien. Très, oui, très bizarre, mais... Ouais. J'aurais dû le poster sur la page, je ne l'ai pas encore fait, j'essaierai de le faire demain si j'y pense, n'y comptez pas. Voilà, donc tout ça pour dire que ça y est, Possessed est enfin revenu et de retour, et que c'est plutôt cool. Voilà. Même si je ne sais pas si j'irai les voir sur scène. Bon, voilà. Je ne sais plus ce que j'avais dit, donc comme ça. Tu réécouteras. tu ne sais plus quel épisode non plus. Tu réécouteras. S'il y a quelqu'un qui écoute, qui peut me dire, s'il vous plaît. Non, tu réécoutes depuis le début. Oh non, si, non mais je peux retrouver, hein, j'ai quand même... Oui, bah oui, t'as tous les liens, mais forcément. Oui, je suis un peu... Donc ça va être assez simple. Oui, pas quand même. Tu connaissant, je suis sûr que t'as fait une liste. Ouais, j'ai écouté, j'ai parlé de Possessed à 3 minutes 54. Non, j'ai pas fait ça. Non. Non, non, non. Non, mais j'ai un tableau Excel avec tous les groupes et les épisodes. Donc, Moi, tu vois, j'ai un rien. C'est parce que je fais... Oui. Mais je t'ai marqué... C'était un podcast, toi, c'est pour ça. Je t'ai marqué aussi dedans. Oh. Donc, si tu me demandes, je peux te dire. Cool. Tu veux tester ? Non, fais pas le con. Non, bah, ça me fait peur, ce genre de truc. Pourquoi ? Je sais pas, j'ai l'impression d'être en haut du deuxième étage, tu vois, puis... vertige. Mais non, j'ai peur de tomber. C'est juste que c'est beaucoup plus facile. Ah ouais, non, mais genre si on a besoin de retourner. Les choses organisées comme ça, je flippe. Moi. C'est parce qu'on a un minimum obligatoire, c'est enfin, on est obligé. Non, mais je comprends. Alors franchement, je respecte tout à fait ce travail, mais moi je te dis, là j'ai le cœur qui s'emballe. Faut pas passer à la nuit. Tu vois la table ? Oui. Bah c'est comme ça dans ma tête et dans le... Ah mais moi aussi c'est comme ça, sauf que de temps en temps je passe un coup de balai entre deux parce que sinon on peut pas avancer, c'est tout. Mettre des petites cases. Je vais écrire là. Tu veux, je vais mettre une... Pousse une bière. Ah tiens. Oui, non, mais je m'adapte avec en fonction de... Non, mais moi je m'adapte pas du tout en fait. Bah tu t'adaptes forcément vu qu'on bosse ensemble. Ah je m'adapte à toi, oui déjà. Oui, ouais, bah, c'est genre un gros parce que, mais c'est parce que je fais en sorte que tu puisses t'adapter. Je fais rien de fermé. Ah, c'est toi en fait. Bah, j'apprends à travailler. Putain, avec... Putain, t'es balèze. C'est un truc de fou. Ah non, c'est normal. C'est vrai. Attends, c'est exactement de la même manière que je te disais, bon, en fait, à partir de demain, c'est toi qui publie les épisodes et tout. Tu vois pas le bordel. Non, bah là, oui, non. J'imagine pas. Je suis peut-être encore sur le deuxième. Putain, j'ai réussi le premier. Non, mais attends, même moi qui suis... alors, pas organisé, j'arrive à publier... Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière ? Ouais, j'ai publié 3 épisodes Instagram à la suite. Alors, ça va, je me place là comme ça. Ouais, ça va. Ouais. Donc, ça va. Autant pour moi, ça arrive. Bon. Merci, quand même. Bon. Allez, news suivante. Hey, dis-moi, Jack, tu connais Scald ? Non. Tu connais pas Scald ? Ah, si ! C'est un groupe, c'était number one. C'est un groupe de chants vikings. Tu sais, enfin, de... Thor ? Ouais, c'est ça. Je connais. Ouais. Moi, je veux dire. Oui, pourquoi pas. Bah oui. C'est ça. Voilà, bah super, t'as bousillé tout. Non, tu ne connais pas. Ah, attends, on la refait. Vas-y, on la refait. Vas-y, on la refait. Tiens, rewind. Dis-moi, Jack, oui, tu connais Scald ? Non. C'est un groupe de vikings. Ça me dit rien. Non ? Non. Eh bien, prends ton mal en patience, car c'est un groupe que je vais chroniquer. Oh ! En cette fin de podcast. Non. Ah si. Oh, mais tu te promets. Tout concorde. Ouais, c'est fou. Tout est écrit. Mais la news qui nous intéresse, oui, vient nous donner les dates de la tournée européenne du groupe, qui passera par plein d'endroits en France, comme Clisson, Caen, Auxerre et bien d'autres. Ah, oh, j'adore bien d'autres. Moi aussi. J'y suis y été l'année dernière. Il y a des remparts, c'est magnifique. C'est beau, c'est beau. L'île fortifiée. Mais aussi en Europe, avec le Wacken en Russie et en United Kingdom. C'est fou. Pour des festivals vikings, je crois. C'est pas marqué, mais je crois. Ouais. Je pense aussi, ouais. En général. La mise en vente de ces billets a été faite hier, lundi 27 mai. Ah, comme quoi, c'est bien foutu. C'est fou, mais... Ouais. Viendras-tu les voir avec moi ? Je sais pas, je te répondrai après ta chronique. D'accord. Est-ce que toi, t'iras les voir ? Je sais pas, je te répondrai après ma chronique. C'est fou, comme tout est écrit. Dis-moi, Bob, tu sais que j'apprécie Metallica ? Non. Oh, je pensais en avoir parlé déjà une ou deux fois. C'est vrai, c'est vrai. Enfin bref, comme j'ai été voir le groupe en concert au Stade de France récemment, je suis tombé sur un super article de Hard Force qui revient sur les chiffres assez fous de ce genre de concert. Et je vais les partager avec toi et avec vous. Oh, c'est gentil. Mais moi, je suis dans le partage. Moi, j'y donne. T'as un Jean-Jacques Goldman du métal, en fait. Donc, je commence. 230, c'est le nombre de techniciens dirigés par John Zazonk, le directeur de production, allant des ingénieurs du son et des lumières à une armada de gros bras pour la scène et l'ensemble du matériel, les chauffeurs et même un chef cuisinier. Il y a des mecs avec les gros bras ou... Ouais. Il y a que des... Ah oui, il y a des mecs. Il y a des mecs, ouais, non, ouais. C'est un ensemble, gros bras et mecs. D'accord, ok. Ouais. 3, c'est le nombre de scènes qu'utilise Metallica simultanément. Donc, s'il y en a une qui est en train, quand tu es en train d'assister à un des concerts, il y en a une qui est en train d'être installée pour le prochain et il y en a une qui est en train d'être démontée qui s'apprête à voyager. Parce que le montage et démontage nécessitent 30 techniciens. 10 Hz, c'est les notes les plus basses que les subwoofers peuvent restituer. C'est 10 Hz en dessous des fréquences que les humains peuvent réellement entendre. Quand résonne l'intro de One, vous n'entendez pas les coups de canon, vous les ressentez. 53 mètres, c'est la largeur de la scène, soit approximativement la taille d'un immeuble de 21 étages. Actuellement. 48 heures, c'est le temps nécessaire pour configurer chaque spectacle. 36 heures pour que l'équipe construise la structure en acier, puis 12 heures de plus pour que 95 techniciens installent les lumières, le son, les écrans vidéo et les caméras. 4 heures, c'est le temps qu'il faut pour emballer le matériel. Démontage de la structure mise à part, bien plus évident de ranger que tout installer dans les configurations requises. Une ponceuse industrielle, Jimmy Clark, technicien batterie de Lars Ulrich, utilise pour polir les cymbales de celui-ci après qu'il ait fini de les maltraiter à chaque concert. Et il s'en sert pas mal. 75 camions. Il faut pas moins de 75 camions pour transporter la totalité du matériel. Heureusement pour le trafic en ville, ils ne se déplacent jamais tous ensemble à la fois. En raison des trois systèmes de chaque fois. Il n'y a que 45 à chaque concert, 15 pour la scène et 30 pour les lumières. Le son, la vidéo, les instruments, le snake pit, j'en passe et des meilleurs. Silence Flammes, surnommés les Big Guns par l'équipe, ils sont capables de faire jaillir des flammes de 20 mètres de haut depuis le sommet des tours de l'échafaudage. Ajoutez à cela une tranchée en travers de la scène et divers dispositifs de feux d'artifice et vous obtenez une poudrière ambulante à chaque représentation. A noter que la réglementation française a cependant empêché Metallica de déployer intégralement sa puissance de feu, ce qui sera semble-t-il réparé lors des prochaines dates en dehors de nos contrées. Ouais, il y avait très peu de feu pendant le concert. On s'est même demandé pourquoi, et ben voilà. 5 écrans, peu importe où vous vous trouvez dans le stade, vous pourrez voir ce qui se passe sur scène. Voilà. Il y en a 5 écrans LED gigantesques, chacun mesurant 16 mètres de haut sur 11 de large. C'est plus grand que 3 bus à Imperial empilés les uns sur les autres. 700 spots, selon le directeur de production, c'est le nombre que l'on recense, bien que personne n'en ait vraiment fait le compte exact. 6, c'est le nombre de générateurs électriques que le groupe transporte, car même le plus grand stade ne peut fournir autant d'énergie que nécessite un concert de Metallica. Au total, 2400 kW, assez pour alimenter 185 maisons toute une journée. 2, c'est le nombre de kits de batterie de Lars. En plus d'un kit conventionnel, il y en a un autre caché sous les rampes du Snake Pit qui monte à un moment donné. Et 2, ce sont les structures gonflables d'une taille supérieure à 15 mètres de hauteur et que l'on trouve à gauche et à droite de la scène formant le M et le A. Et en vrai, moi j'étais persuadé que c'était des structures en acier, mais en fait non, c'est des structures gonflables LED. 5, c'est les pédales wah wah pour cœur qui sont réparties à peu près partout. Il y a 0%, c'est le pourcentage de chance d'entendre le même setlist dans une même ville. Il y a une personne qui est en charge de collecter les informations sur les précédents concerts joués dans les villes définies et de les transmettre à Lars qui s'occupe de concocter à chaque fois une liste. Alors, c'est grosso modo la même, mais ça change sur 4-5 titres. 1. Musée Metallica. Ça, c'est quand tu prends les billets plus ou que tu gagnes. Tu peux faire un tour au musée Metallica. C'est un musée mobile. Ah ouais, c'est un musée mobile. 0. Vous ne verrez aucune pédale d'effet sur scène. En fait, à chaque fois qu'ils doivent changer de son et tout ça, il y a un ingénieur pour Lars, pour James, un ingénieur pour Kirk qui appuie sur les boutons au bon moment. Pour passer en son clair, pour passer en disto, pour passer en... Sérieux ? Ouais. Bande de feignants. 20. Il y a en tout 20 caméras se chargeant de retransmettre sur les écrans géants pour les détails du concert en cours, permettant aux fans de le plus éloigner dans les stades de pouvoir saisir des moments que se coller aux barrières ou dans le snake pit. C'était moi ça. Voilà. Je trouvais ça sympa, surtout le côté au niveau des scènes, de savoir qu'il y avait une scène qui se montait à un endroit tandis qu'une autre se démontait. Enfin, c'est une vraie méga production. Je suis un peu surpris pour un petit groupe comme ça. Ouais, moi c'est pareil, je trouve. Voilà, je t'en prie. 75 camions, non mais ça... voilà, alors moi du coup, à côté, hein. J'en ai parlé, déjà, dans ce podcast, j'en suis sûr. Ou c'était toi, peut-être. Quelqu'un en a parlé, c'est sûr. Quel jeu d'acteur. T'as vu ? Moi je pense qu'à la fin... Je travaille. À la fin de cette saison 3, lance-toi, mec. Ah ouais ? Oh, c'est... Tu vois que je peux faire le cours Florent, tout ça ? Oui ! Putain, génial. Ah ben. Merci de ton encouragement. Eh, mais moi, je laisse jamais un frère de métal de côté. Hein. Tu m'étonnes. Bref, Ultra Vomit va sortir un concert de son Olin putain de Pierre le 31 mai prochain, soit vendredi. Oui. Et du coup, pour fêter ça, le groupe va projeter en avant et en intégralité avec la présence. Va être le concert. Va être, putain. Comment tu dis ? Et attends. Et du coup, pour fêter ça, le groupe va projeter en avant-première et en intégralité avec la présence du groupe. Ah oui, donc en fait, c'était bien écrit. T'as vu ? Non. Mais quoi ? Bah, je sais pas, moi, c'est... Bah, dites-nous, mais moi, je trouve que c'est pas bien écrit. Mais quoi ? Le groupe va projeter en avant-première et en intégralité avec la présence du groupe ? Ah, je trouve que ça fait trop de groupe, moi. Manière, toi. Ah, tu vois, il accepte pas la critique. Hein, tout de suite, il fait la gueule. Non, bah, non. C'est ça, casse-toi, vas-y. Je vais pas me casser. J'enlève mon micro et je suis en train de prendre mes affaires. Ça veut pas dire que je me casse. Ça veut dire que je t'emmerde. Je vais faire un tour. Je vais fumer une clope. Ça veut dire que je t'emmerde et que je t'aime. Ouais. Sabot de bois. Non. Voilà. Alors, qu'est-ce que. Oui. Donc, alors, il va projeter le concert. Voilà. Avec la présence du groupe, hein, le jeudi 30 mai à 19h sur l'écran géant de la terrasse du Ferrailleur qui se trouve à Nantes. Ah, bah voilà. C'est plutôt cool. Bah c'est sympa. Moi j'irais si j'étais toi. Ouais, mais t'es pas moi. T'es pour ça. Mais moi si j'étais toi, j'irais. Je peux pas, je suis à Paris. Ouais, mais tu peux faire un crochet, c'est pas loin. Oui. Je peux. Ou un revers. Ça. Oh! C'est rigolo parce qu'on est en pleine période de Roland-Garros. Ah, c'est ça. Ouais. Ouais. À noter donc que ce live sort vendredi, qu'on ira sûrement l'écouter parce qu'on est à Média. Ouais, c'est vrai. Et que vendredi sort aussi l'album de... Oui, c'est vrai. D'accord. De Death Angel, c'est un groupe que j'aime bien. Sûrement, il y a d'autres choses. Donc bref, il y aura sûrement la semaine prochaine du nouveau son. Oui, oui. Voilà. On peut leur faire confiance à tous ces artistes. Je voulais être optimiste, tu sais, faire le mec un peu, tu vois, genre. Allez hop. Allez. Allez les gars, on est derrière vous. Ouais. Sortez des trucs. Tu sais, le mec sympa, on jouait. T'aimes bien les gens, tout ça. Alors, j'enchaîne. Ouais, ouais. Cette semaine, pas de news baronesse. Oh. Je sais, tu es triste, Bob. Déçu. Même si, sache que j'étais en contact pour avoir l'album en avant-première. Pour l'instant, j'ai eu trois morceaux. Les trois morceaux sortis. C'est gentil. C'est gentil. Ah, c'est gentil. Donc, je ne sais pas trop comment les diffuser, vu que je ne les diffuse pas dans le podcast. Donc, je vais voir ça avec Charles. C'est Charles qui s'occupe de ça. Donc D'accord. Voilà. Bah, j'ai écouté le premier, moi. Ça, ça va le faire. Rassure-toi, à la place, j'ai ça une seconde news de chez nos copains Hard Force. Cette fois, pas de chiffres, mais un petit article pour mettre en avant ou pas les versions vocales de nos chansons les plus préférées de la vie. À retirer bien sûr de leur accompagnement musical ce que nous avons écouté avant de démarrer le podcast. Donc en fait, il y a un morceau de Ghost, un morceau d'Iron Maiden, un morceau de Metallica, un morceau de Pantera, un morceau de System of a Down et un autre de Slayer que je t'ai pas fait écouter. Non. Donc on peut entendre la piste Slipknot aussi. Pardon ? Slipknot. Et Slipknot, tout à fait. Où on ne peut entendre donc que la piste vocale retirée de la musique et tout ça, et on peut se rendre compte justement de la qualité de chant et de ce que le studio a fait. Par exemple, on peut se rendre compte de toutes les coupes qui ont été faites pour James Hetfield sur Enter Sandman. Bon, bah, pour tous ceux qui suivent un peu le groupe, ils savent effectivement. C'est vraiment morceau par morceau de phrase que ça a été enregistré. On peut se rendre compte à quel point Corey Taylor a un putain de débit qu'il enchaîne. On peut entendre Bruce Dickinson qui se tape sur la cuisse, même s'il a une putain de voix qui passe bien. Voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant. Je sais pas comment t'as trouvé ça, toi. C'est ouais, c'est sympa, c'est sympa à écouter. Puis oui, t'as ce côté redécouverte du morceau en fait par le chant simplement. Ouais, ouais. Par exemple, j'ai été surpris sur le morceau de Pantera donc qui était Walk, ouais. De voir en fait que bah il se rechantait dessus en fait à chaque fois. J'avais pas fait gaffe. Il remordait dessus les. Ouais. Et c'est ouais, ça marche plutôt bien sur. Vas-y. Non, et j'allais dire, et que sur Ghost, eh ben, t'as une double voix sur les couplets que j'avais pas non plus. En harmonie qui marche plutôt bien. Ouais. Voilà. T'allais dire quelque chose oui, quand alors, je du coup, je ne sais plus. J'aurais jamais dû le couper. Oui, pour. Si, pour aussi les paroles, tout ça. Tu entends mieux, en fait. Oui, tu comprends mieux les paroles. Tu comprends mieux. C'est, ouais. C'est moins bouffé. Oui, c'est tout à fait. Ouais, non, par la musique. Donc voilà, c'était assez intéressant de. Le lien sont disponibles sur la page Facebook de Hard Force. N'hésitez pas à aller voir. C'est intéressant à découvrir. Je suppose que sur YouTube, il y a un milliard de versions différentes. Oui, certainement. Et que, bon, bah, tous autour de ce podcast, oui, mais ça fait des années que j'écoute. J'écoute toujours les albums que en version vocale. Voilà. Ou instrumentale. Jamais les deux en même temps. C'est mon délire, moi. Le vocal, c'est mon truc. La musique, j'aime pas. Ça. Clairement. Je me mets le vocal d'un côté, le musical de l'autre. C'est pour analyser, je préfère. Ouais, je préfère. Puis des fois, j'écoute même que la basse. Alors, on va passer au News Hellfest. Ouais, bien sûr. News Hellfest. Ok. Je te laisse commencer. Cette semaine en news festival, nous avons la recharge mobile Rifts.fr par le Crédit Mutuel. Donne-le là. J'ai pas mon diapason, putain. Ouais, super. Merci. Merci, Diapason. N'hésite pas, je suis toujours là. Cela vous a été offert par Diapason. C'est nos sponsors de la semaine. Voilà. C'est leur phrase choc. Donne-le là. Oui. Enfin, pour revenir, parce que du coup, parce que oui, on part. J'ai Diapason qui était là, puis du coup. Bonsoir. La semaine prochaine. Donc, problème. Nous, on a la nôtre, et eux, ils donnent le là. C'est 18h la semaine prochaine. Hein? C'est 18h la semaine prochaine. Ouais, 18h, c'est ça. Merci, je donne. Tu peux aller chercher ton cachet. Merci. À la sortie. Il est sympa, Corinne, Diapason. Tu donneras son cachet à Diapason. Il est sympa. Il vient cette année au Fest? Normalement, ouais. D'accord. Ouais, il est accrédité aussi, ouais. Oh, putain. À chaque début de concert. Il est accrédité aussi? Ouais. Putain. Chaque début de concert, il sera là, il donnera le là. Tiens, tu me fais penser, après cette news, on va dire quelque chose. On va le placer en plein milieu, ça va faire suer tout le monde. D'accord, ok. Après la news, là? Ouais. Ok. Donc, pour dire que Crédit Mutuel, bah, du coup, il donne le là. Hein, parce que, bah, voilà. Et que nous aussi, on a la note de phrase choc. Voilà. Eux, ils donnent le là, que pas nous. Bref, pour une caution de 20 balles, ou 20 euros, comme vous préférez, vous pourrez emprunter, pendant le festival, un chargeur nomade. Entre guillemets, Mana. Le type de chargeur. C'est le type de... Voilà, c'est ça, c'est Mana. Sur les stands du Crédit Mutuel, situés au Metal Corner, mm-hmm. L-City et au VIP. Et oui. En plus d'ouvrir un compte chez eux... Exactement. Est-ce que vous n'avez pas le choix, en fait? Les 20 balles, c'est sur un compte qui... Voilà. Oh, les fausses informations. Oh, non, c'est des conneries, c'est des conneries. Ou comment joindre l'utile à l'agréable? Bah oui, parce que tu pars avec une batterie et bam, t'as un compte. Ouais, c'est ça, et t'es à découvert à la sortie du fest. Ouais, et puis il t'envoie des messages et t'as un banquier qui t'appelle le mardi matin. Bah, Bonjour, je suis Manu du Crédit Mutuel, vous êtes à découvert. C'est pas... Mais je comprends pas, je viens d'ouvrir le compte. Ah bah écoutez, ça va très très vite. Hein, ah bah, vous avez été au Hellfest ce week-end. Voilà, nous on donne le là et puis... En tout cas, de jolies batteries griffées au look Hellfest. C'est vrai. C'était très long, cette Hellfest. Oui, mais elle est jolie, la batterie. Tu l'as vue? Ah oui, je l'ai vue. Ouais. Elle est jolie. C'est, hein. Ouais, c'est joli. C'est ouais. Joli. Bah, pour 20 balles, après, tu peux te barrer avec, je pense. Hein. Après, non, bon. C'est cautionné. Hein. Non, mais... T'es suivi à la trace. Ouais, bah après, je sais pas. En vrai, 20 balles, c'est le prix d'une batterie. Ouais, mais pas griffée Hellfest. C'est ça. Du coup, est-ce que c'est possible de l'acheter? Ça, c'est la bonne question. Ah, alors, est-ce que c'est possible de l'acheter? Hein? Parce que c'est pas le tout de donner le là. Mais des fois, faut répondre. C'est ça. Bon, en tout cas, merci pour cette news, Bob. Eh ben, ça m'a fait plaisir. Du coup, moi, ce que je voulais dire, je fais une petite parenthèse au milieu de ce podcast, parce que je suis sûr qu'on n'y pensera pas et tout. Pour cette année, comme nous avons la chance et le plaisir d'être accrédités, nous serons donc au festival. Je ne sais pas si nous l'avions déjà dit. Est-ce que ça coule de source, je sais pas. Plus ou moins, vaguement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on recherche parmi nos auditeurs des gens qui veulent témoigner ou répondre à quelques questions ou nous raconter leur expérience afin de... Alors, pas forcément directement de les diffuser dans l'émission, mais peut-être, ça va dépendre de comment on recueille vos informations. Donc, on fera aussi, on lancera aussi le message sur la page Facebook pour ceux qui sont intéressés. En tout cas, ceux qui veulent témoigner, même venir discuter avec nous, n'hésitez pas. Nous sommes totalement partants pour ça. Il est enfin temps que vous puissiez venir remercier les gens que vous adorez tant. Que vous aimez. Que vous aimez. Voilà. En tout cas, voilà. Nous, on recherche du monde qui serait d'accord pour ce que d'habitude, on va soit s'adresser à des étrangers, soit, pour ma part, s'adresser à personne. S'il y en a qui veulent témoigner de leur expérience, de cette édition, des éditions passées, voilà. Le message est lancé. Attends, il n'y a pas d'endroit. Non, je ne peux pas lancer de bouteille, ça va casser. La bouteille est lancée. C'est plein de négo. Et voilà. Très bien. Nœud suivante, j'enchaîne. Enchaîne. Autre news. La cathédrale se monte en photo. Histoire de vraiment faire monter la hype, comme j'aime à le dire. Et ça marche plutôt. Je sais pas toi, mais moi, de voir le début de la construction de cette cathédrale, je me suis dit, oh putain, ça approche. Ouais, il n'y a pas que ça, il y en a un qui a posté carrément le... T'as l'entrée qui est faite aussi et tout. Ah, j'ai pas. Un mec ? Ouais. Mais un mec du Fest ? Non, c'est un mec qui s'est auto-pris en photo et puis il a marqué ça pousse, ça pousse. Tout le monde s'est foutu de sa gueule parce qu'il a marqué ça pousse, mais c'est S-A pousse comme le pouce. Mm-hmm. Donc il y en a un qui a mis 4 mots, 4 fautes d'orthographe. Ah, j'ai pas vu ce truc-là. Mais t'as l'entrée en fait avec les amplis. Ouais, enfin, moi c'est pour ça que je parlais que des trucs officiels vu que j'ai pas vu les trucs. Ouais, ça c'est officieux, mec. Non, il y a eu d'autres photos aussi de début de la construction. Mais c'est vrai que j'ai. Alors, peut-être que je me trompe, peut-être seras-tu, mais je me souviens pas que l'année dernière ils aient posté autant. De Fautal ? Ouais. Tu es pas sûr, je sais plus. Bah, c'est pour ça que j'ai pas l'impression. Donc, l'année dernière, on s'était pas mal plein. Enfin, plein. On avait quand même trouvé que leur communication était pas folle. Et cette année, vraiment, je la trouve vraiment, mais plus que nickel, quoi. Non, c'est mieux, ouais, franchement. Donc, même ça, c'est des petits trucs, mais rien que de voir ça, tu te dis putain, voilà. Bah, tout de suite, ça monte. Voilà, ah, ouais, ça fait vraiment. Les gens, ils trépignent. Donc. Non, c'est bien. Ouais, et même pour te dire, je vais te dire, quand j'ai vu la photo de la structure de la cathédrale, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, mais. Le truc à droite, il n'y était pas avant. J'ai dit, ah, ça se trouve, ça va être le passage pour le Knotfest. Alors, j'ai été chercher les photos des cathédrales montées. Et en fait, ah bah non, c'est normal. Donc, tu vois, j'étais... un petit jeu de piste. Ouais, non, mais tellement la hype monte, quoi. Ouais, ouais. Donc, voilà, c'est tout. Enchaînement. La carte du Hellfest, déjà dispo dans le booklet du dernier Rockard. Tout à fait. Se voit pimpé dans la version 2019 avec le camping ajouté à cette fameuse carte. Et exact. Les nouveautés qui y sont présentées. Apparemment. Qui sont présentes, pardon. Alors, qu'as-tu vu, mon bon ami ? Alors, bah, je suppose comme toi, tu as vu les deux guitares dessinées le long de la rue de la Bouffe. Ouais. J'ai pu remarquer aussi que dans le Metal Corner, la... Comment ils appellent ça ? La Party Tent et la Fury Tent sont là où avant on pouvait manger. Enfin, une de chaque côté de... En fait, la tente où étaient normalement les concerts du Metal Corner, bah, c'est pas là qu'il y aura les concerts. Ou alors, ça sera peut-être là qu'il y aura le DJ, mais je n'ai pas ce que j'ai cru comprendre. Maintenant, le Fury Tent était là où il n'y avait rien, je crois. Et la Party Tent est là où il y avait le coin bouffe. Tu l'as en visu ou pas ? Parce que... Alors, la Party Tent, ouais, c'est ça. C'est quand tu sors. Tu l'as dans le guide, toi ? Ouais, bah. Elle y était déjà, on n'avait pas fait gaffe. Elle y est déjà, ouais. Bah, j'avais pas fait gaffe, moi. Ben, ah, bah si. Oui. Excusez-moi, autant pour moi. Bah, ça, j'avais pas vu. En fait, c'est juste avant l'accès au camping. Ah, mais les guitares aussi. Ah, mais tout y est, ouais. Ah, mais il n'y a pas une nouvelle. Non, en fait, c'est pour ceux qui n'ont pas acheté le Rockard. Bah, il n'y avait pas le camping. Ah, là, il n'y a pas le camping. Maintenant, il y a le camping. Maintenant, il y a le camping. Avec son espèce de... ah, bah. Et donc, hein, en dehors de ça, as-tu vu d'autres choses, toi ? Sur le... non. Rien qui m'a tiqué de plus. Non, rien. Non. Bah, mis à part, je sais pas si on en a parlé. Si, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière de la forêt. Qui va être décoré. Voilà. Ouais, mais là, c'est pas visible. Bah, non, là, c'est pas visible, mais mis à part ça. Bah, si, il y a la structure au centre. On peut voir la fontaine. Ouais. Sur l'avenue de la Bouffe. Oui. Et, bah, on la voit pas là. Non, mais en vrai, par contre, j'avais pas du tout remarqué les guitares, moi, avant. C'est ah fou. Oui. Ah ouais, non. Il a fallu que je te le dise pour que tu le remarques. Non, j'avais remarqué les guitares, mais je l'avais remarqué sur le plan quand ils l'ont balancé, eux, je l'avais pas marqué dans le guide. Ouais, bah, bravo. Ah, tiens. Mais je m'excuse, hein. Ah, je m'excuse complètement. Tes excuses sont acceptées. Par contre, donc, on a aussi, donc, dans la carte du camping, cette fois, donc, on en parlait la semaine dernière, on savait plus combien il y a de couleurs. Donc, il y a blanc, rouge, bleu, vert, orange, jaune et marron, je crois. Et fait... On voit aussi, on peut totalement voir la disposition des cartentes et des tipis. Donc je pense qu'il faudra qu'on prenne celui-là, moi. Tu crois ? Ouais. C'est-à-dire le même que l'année dernière. Et donc on peut voir aussi, cette fois, alors, pareil, petit doute, un nouveau truc ou pas, où on n'a jamais su qu'il était là, enfin même ça me paraît quand même vraiment bizarre qu'on ne l'ait pas remarqué avant. Il y a une espèce de centre, je ne sais pas comment, un truc circulaire, avec des petites cabanes. Ouais. Aucune idée de ce que c'est. Est-ce qu'il y aura des animations là-bas ou est-ce que ça y était déjà et que c'est un truc qui n'a aucun lien avec le Hellfest ? J'ai quand même beaucoup de mal à le croire. Mais qu'est-ce que ça peut bien être ? Qu'est-ce que c'est selon toi, Bob ? Je ne sais pas. Oh, Bob, allez. Peut-être la piste officielle du Macumba Club ? Tu crois ? Ça serait stylé. Bah, ça serait stylé qu'ils leur fassent une vraie piste et tout. Bah, moi, je dis ça après. À mon avis, c'est pas ça, mais oui, ça serait stylé. Enfin, voilà. Ah, on peut rêver. Est-ce que c'est un... Mais je sais pas. Là, j'avoue que je sèche un peu. J'avais essayé de regarder un peu dans les commentaires, mais les gens faisaient tous des blagues et tout ça, et j'ai pas vu un seul... Enfin, j'ai pas tout regardé non plus, hein, parce que j'avais une émission à préparer, lol. Et donc, très bien. Eh ben écoutez, on est à 20 jours, on en saura peut-être plus d'ici là. Si vous, vous savez, n'hésitez pas, entre... Alors, sous le camping marron, il y a un truc sur le plan. Quoi est-ce que c'est ? Voilà. D'autres choses que tu as pu remarquer ? Non. Eh ben, c'est parfait. Je pense que... Non, c'est... non, on voit vraiment que le Easy Camp est un peu plus grand. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. Bon, mais ouais... C'est vrai que c'est assez bizarre ce truc. Bon, bah du coup, je te propose qu'on enchaîne avec ce qu'on a commencé depuis maintenant quelques semaines, à savoir développer un petit peu notre... Notre sagacité. Exactement. Après avoir parlé de l'arrivée au Hellfest, du Hell City Square, du Hellstage, puis le passage par le Metal Corner et le camping, on va passer, je pense, maintenant à la cathédrale, et avec ce qu'elle cache derrière. Donc, la cathédrale n'est normalement jamais ouverte dès le jeudi. Non. Apparemment, cette année, ce sera différent pour accéder au Knotfest. Sinon, en général, c'est dès le vendredi à 10h, je dirais. Ouais. Pour le premier concert à 10h30. Et une fois à dépasser cette cathédrale, on arrive face à un champ. C'est ça. Un champ avec plusieurs scènes, 6 au total. Avec à chaque fois quelques aussi des bars, de la restauration, le merch qui n'est pas accessible ailleurs, important de le préciser. Et donc on va commencer par détailler deux scènes qui sont à la droite quand on arrive. On va pas commencer par la vallée qu'on mariera plus facilement avec la Warzone, mais on va parler de Altar et Temple qui sont juste à côté de la vallée et du VIP. Donc je te laisse nous faire une petite description de Altar et Temple qui se trouve face à un bar aussi. Sur la droite, quand tu rentres, Temple à côté Altar. Alors, je sais jamais, je crois que Temple, c'est quand t'es en face, c'est à droite. Quand t'es en face de quoi ? Temple, c'est la plus proche de la vallée. C'est ça. Non, mais de tête, je sais jamais. C'est à Temple. Ouais. Et Altar, je me disais bien que c'était plus violent à gauche qu'à droite. Ouais. C'est à ça que je me repère en fait. Ouais. Bah, c'est tout con, mais. Ouais. Non, mais c'est bien. Voilà. Si on a. Donc, Altar et Temple. Oui. Comme je viens de le dire, Altar, ça cache plus souvent quand même les groupes plus sombres, plus dark, plus violents. Mm-hmm. Hein, on se trompe pas ? Bah écoute, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par là. Bah les scènes un petit peu plus... un peu plus très underground, comme écoute, black metal. Oh là là. On va faire un petit quiz. T'aimes bien les petits quiz, toi hein ? Ah, non, pas vraiment. Surtout pas les tiens. D'accord. Donc, toi, oui. Donc, si par exemple, je te dis Vultimas. Vultimas. Il passe en Temple. Altar. Si je te dis Cannibal Corpse. Cannibal Corpse, il passerait bien au Altar aussi. Altar. Si je te dis Emperor. Bah, pareillement. Temple. Tu vois. Si je te dis Scald. Scald, je les verrais plus en Temple. Temple. Si je te dis Carpathian Forest. Alors déjà, je ne me rappelle pas de ce style. Alors, Carpathian Forest, rien que le nom, je verrais Temple, moi. Temple, si je te dis Tormentor. Tormentor ? Ah, j'hésite, là. Ah, là, ça va être bien, on va être bien. T'hésites ? Bah, j'hésite, Tormentor. Temple. Ah, bah, tu vois, je pense si à Temple. Si je te dis Cavalertac. Cavalertac. Là, c'est un piège ou pas ? Je sais pas. Altar ? Altar. Ouais. Si je te dis Venom Inc. Ah, putain. Bah, je verrais bien Altar aussi. Temple. Si je te dis Possessed. Là, Altar. Mm-hmm. Ouais. Si je te dis Hellhammer. Ah, putain, j'en sais rien. Je verrais plus Temple, Hellhammer. Exact. Si je te dis Carcass. Carcass plus Altar. Exact. Si je te dis King Diamond. Oh la vache. Altar aussi. Putain, mais je... Alors, c'est Temple. tu vois, je suis trop bon. Non, mais... Alors en vrai, je sais pas du tout comment tu réponds. Je comprends pas. Mais voilà. En gros, donc vous avez pu voir. Voilà. Altar and Temple, on peut quand même se tromper. C'est non, ça va. Ça va. On peut quand même se tromper sur l'une et l'autre. Voilà. On va dire que grosso merdo, les deux se complètent d'une certaine manière. Ouais. Donc, il y a du black metal, il y a du death metal, il y a de la colère, il y a de la violence. C'est ça. Et qu'on peut... Mais en général, c'est plus... Enfin, je pense que Temple est plus adapté au groupe comme... comme justement Trollfest, ce genre de groupe un peu plus pagan, on va dire. Ouais. Enfin, c'est ce que je pense. Hein, je suis d'accord avec que toi. Altar est plus vraiment true black metal, death, toi, ce genre de groupe comme Benighted. Je crois qu'ils sont passés en Altar l'année dernière. Ah ouais, bah, mais justement, j'ai un peu de. Oui, mais Benighted, justement, ils sont pas black metal. Non, mais c'est un style plus virulent, tu vois, que plus déconnant. Bah dans ce cas-là, est-ce qu'on peut dire quoi? Que c'est plus du death à Altar et du black à Temple? Parce que j'ai l'impression qu'il y a plus de black, moi, à Temple. Hein. Mais je peux me tromper. De death, tu veux dire. Hein? Mais enfin, je sais que, par exemple, Alstorm... Ouais, ils sont passés en Temple. Ils sont passés en Temple, tu vois. Ouais, je suis d'accord. L'Ascal, de l'année dernière, c'était Elung. Tu vois, c'est plus pour ce style-là. Qui est un petit peu moins... un petit peu moins dark, tu vois. Ah plus, non, mais je... Plus... Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais regarde par exemple. Mais vous aussi, vous voyez ce que je veux dire. Non, mais par exemple, Karash Angren, qui est du black metal, Temple. Mercure Folkesange, que j'ai vu la semaine dernière, la fille qui chante en black metal, c'est Temple. Cradle of Filth, c'est Temple. Ouais, c'est assez bizarre. Non, mais après, non, mais c'est pour ça que j'ai l'impression qu'elle se. Tu vois, Bloodbath, Candlemass et Dark Tranquility, qui sont plus du doom et du death metal, bah, c'est Altar. Ils sont Altar. Donc tu vois, moi j'aurais plus tendance à dire ça en fait. Pour simplifier, résumer, tu vois, pour dire genre Altar plutôt def plus énervé, ouais. Et Temple black froid. Ouais, d'accord. Moi je verrais ça comme ça, mais je suis d'accord avec toi que effectivement Alstorm était en Temple et que je crois que Anciferum aussi était en Temple. Je crois, ouais. Donc ouais, bah après. Mais je crois qu'elles sont un peu complémentaires les deux, tu vois. Je sais que là, je crois que Altar, on a vu Psycup l'année dernière. Ouais, Altar, il y avait Psycup. Benighted. Ouais. Ouais, enfin, après, voilà. C'est après, trop... les pentagrammes. Oui. Ils sont à Temple. Hein. Ils sont à Temple ? C'est à Temple. D'accord. Tu vois, c'est... En fait, c'est des scènes que je fréquentais pas plus que ça, moi, avant. Avant ? Et du coup, je les ai. Attends, pardon. Avant Road to Hellfest. Merci. Merci. Merci, Road to Hellfest. De rien. Ça fait plaisir. Voilà. Et du coup, ouais, non, je l'ai fait compter très peu. Et ça, au contraire, même, on pourrait presque dire que ça avait des scènes que tu aurais évitées, sans connaissance. Mmh. Ouais, sans vraiment écouter ce qui passait et sans approfondir. Alors que maintenant, tu te dis pourquoi pas. Ah non, mais j'y vais même en courant. Ah ! Pour certains groupes. Ouais. Non, ne pleure pas, Jeannette. Ça m'aura pris 3 semaines. Ça m'aura pris 3 ans, putain. 3 ans. Ça y est. Toute cette mascarade, enfin, finie. Voilà. En tout cas, bon, rassurez-vous, c'est quand même toujours un peu les deux seules scènes, enfin, les deux seules tentes, parce qu'à la base, c'est des tentes, oui. Où on a le plus de mal un peu à... Enfin, peut-être à créer des contacts, à lier des amitiés. Non, je veux dire, à différencier. Parce que la vallée, c'est plus clair, la warzone, c'est clair. Ouais. Maintenant, la vallée est un petit peu moins. Ouais, elle commence à se démocratiser un petit peu. Elle fait des petites embrouilles, la vallée, des fois. Elle fait des petites entourloupes, comme on ça. On ne sait pas où les mettre. Vallée, allez, ouais, hop. Ouais. Donc, ce sont des tentes. Elles font partie des 3 scènes couvertes du Hellfest. À savoir, donc, elles peuvent vraiment, à n'importe quelle heure, avoir une vraie ambiance. Contrairement à la warzone et au main stage, qui sont en plein jour. Donc ça, c'est quand même une particularité. Grâce aux lumières. Ouais, donc ça, c'est quand même vraiment très agréable. À n'importe quel moment de la journée, on peut vraiment se sentir comme un peu dans une salle de concert. Elles sont ouvertes de 3 côtés. Ouais. Que tu sois Altar ou Temple, tu peux te barrer d'un côté ou de l'autre et c'est super... Non, que d'un côté, en fait. Devant. Quoi ? Bah si, c'est 2 grandes ouvertures devant. Sur les côtés, tu peux pas te barrer. Bien sûr que si. Altar, tu peux partir à gauche. Ah, Temple, tu peux te barrer. Donc ouais, ça fait 2 ouvertures. Non, ah bah si, parce bah que oui, tu comptes sous Altar, parce qu'elles sont collées. Bah oui. Ok. Oui, mais du coup, t'as raison, Altar, on peut pas ressortir par la gauche. Ah. Voilà. Donc tu as raison. On a raison tous les deux. Allez. Ça ouais, en tout cas, ce sont des scènes fort, fort agréables. Qu'on a tendance même à préférer au main stage parce que justement... Plus intimiste. Vraiment, voilà, t'as vraiment l'impression d'être dans une salle et le son est... Et souvent meilleur, ouais, souvent plus meilleur. Facile à diffuser. Ouais, ouais. Et puis bah, les concerts. Ouais. Après, c'est là aussi où des fois ils peuvent passer des trucs comme, comme Carpenter Brut. Oui, voilà. Alors bon, c'est pas toujours parfait, mais c'est pas Nico qui nous dira le contraire. Exact. Hein, Nico. On l'a une dans tes côtes, mec. Qu'est-ce qu'on peut dire après sur l'arrivée d'autres, à part les bars et les... D'ailleurs, on attend avec impatience, parce que ça devrait pas tarder à arriver, je pense, les menus de bouffe. Yes. Qui apparemment seront similaires un peu nouveautés. À ceux de l'année dernière, je crois, d'après ce que j'ai compris. Des petites nouveautés. Oui, il y aura peut-être des petites nouveautés, mais souvent similaires. Toi, tu me disais encore tout à l'heure qu'ils vont rester plus tard, ils vont servir plus tard de la bouffe, ou c'était juste par rapport au culte? Non, c'était par rapport au culte. Juste ça, c'est le kiff. Ouais, je ne sais pas s'ils servent plus tard, je ne pense pas qu'ils vont... Non, d'accord, ok. Qu'ils vont faire d'entorse là-dessus. Et aussi, on devrait pas tarder à voir le merch pour l'édition 2019, voir ce qu'il va y avoir de disponible. Oui. Voilà. On reviendra sur les autres trucs comme la grande roue et tout ça un peu plus tard, une fois qu'on s'attaquera à la Warzone ou au Main Stage. La Warzone. Warzone ? Bah, c'est à côté. De la grande roue ? On va faire quartier par quartier. Proportionnellement, j'ai l'impression que la Main Stage est plus à côté que... Non, la grande roue est vraiment plus à côté que la Warzone. Hein. Ouais, mais pas pour y aller, en fait. Pour y aller, oui, oui. Oui, c'est vrai, il faut contourner, mais... En tout cas, fait intéressant, quand vous êtes à Temple, c'est très facile de faire Temple, même Altar, c'est très facile d'aller à la vallée pour essayer de découvrir autre chose, et donc de, des fois, bah, faire une moitié de concert l'un, moitié de concert l'autre, quand le dilemme est trop important, et aussi d'aller pisser, voilà. C'est ce que je disais la semaine dernière, je trouve. Oui. Parce que moi, je faisais Psycup sous Altar, donc on traversait la Temple, on a été pissé, puis on est passé à la vallée pour voir 1000 mods. Oui, parce qu'on peut toujours rentrer des toilettes à la vallée en passant sur le côté. Voilà. Voilà. Donc voilà pour ces deux premières scènes. On passera aux deux autres suivantes la semaine prochaine, je suppose, la vallée Warzone. Oui. Donc on fera un petit détour par la rue de la bouffe et par... On ira se promener la semaine prochaine. Il y a aussi le juste comme ça, personnellement, le changement entre 2012 et 2014 pour ma part. Parce qu'avant, c'était des chapiteaux. Et c'était un chapiteau en Y, je crois, si je ne me trompe pas. D'accord. Où c'était face à face, même. Donc, tu avais un grand chapiteau, et en fait, les deux scènes étaient face à face, dans le chapiteau. D'accord. Ouais. Ah, donc ça devait être bizarre. C'était assez bizarre. Donc, tu passais de... Et c'était pour Altar et Temple ou pour Altar et Temple. D'accord. Ouais. Okay. Et à notre grande surprise, on a eu après les deux hangars quoi, qui sont... Oui, bah c'est vrai que c'était... La taille que ça... C'était beaucoup plus petit avant. Ouais. Et là, comme ça, une ampleur incroyable. Quoi. Pour ceux qui ont connu le changement, c'était... on arrivait sur le site. Quoi, c'était... Oh. Ah non, mais c'est quand c'est, aujourd'hui, je crois que je regardais pour essayer de trouver un peu plus de différence justement entre les deux scènes. Je suis tombé sur les chiffres sur le Wikipédia du Hellfest, genre la première édition du Fury Fest. C'était 400 billets. Quoi. 400 400 places. Ouais, bah ouais. Donc, tu vois l'évolution qui... Ouais. Tu fais wouh. Non, mais voilà. Bah ouais, moi j'avais commencé à 80 000, je crois. De mémoire. Peut-être. Sur les 4 jours, 80 000. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Donc, bien sûr, on a oublié d'en parler parce qu'on fait toujours les choses à l'envers, mais il y a ce fameux passage de la cathédrale qui est vraiment le moment... qu'on kiffe tous, en fait, de passer sous cette cathédrale qui n'est que, bien sûr, une illusion en tissu. Mais la question n'est pas là. Ça fait toujours plaisir. Et ce moment où on arrive un peu après, qu'on voit le magnifique travail qui a été fait par tout le monde pour faire un festival qui a une telle gueule. Et il n'y a personne qui reste insensible quand il arrive la première fois sur le Hellfest de ce qu'il voit. Quoi, parce que... Découvrir le Hellfest, surtout maintenant. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que, bon, à l'époque, là, j'ai revu des photos de 2012. Ouais. Quand ils se sont installés la première année sur ce site-là, c'était une catastrophe. Quoi. Enfin, c'était génial, mais... Oui, c'était les débuts. C'était boueux, c'était... ça puait l'infection, ça puait la pisse à plein nez. Enfin, puis c'était dégueulasse. Et puis... Mais c'était génial, quoi. Puis là, quand tu vois le changement maintenant, c'est juste impressionnant, quoi. Ah ouais, non, mais ça, les mecs ont fait un putain de taf, quoi. Bravo à eux, parce que franchement, c'est... Non, il y a vraiment... Alors, c'est vrai qu'on entend souvent le côté Disneyland du métal, mais en fait, moi, je suis totalement d'accord avec ce côté-là. Quand chaque fois que j'arrive à Disneyland, il y a un côté... Waouh. Mais c'est pas péjoratif. Moi, je le dis pas de ce sens-là. C'est vraiment le côté... Waouh. Et quand t'arrives au Hellfest, à chaque fois, tu fais un petit... Wow. Ah ouais, quand même. Ouais. Moi, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est... putain, quand même, quoi. Et ce qui est encore plus frappant, c'est que tu as pu déjà le dire ici, je crois, mais que tu avais fait un petit pèlerinage hors festival, et te rendre compte à quel point, en fait, c'était pas si grand que ça, et de te dire que, waouh, encore plus, du coup, parce que... Bah, étrangement, ouais, quand t'as plus les tentes, quand t'as plus tout le reste, les scènes, bah, tu dis, ouais, c'est bizarre. Mais bon, après, voilà, c'est... ça fait partie du truc. Ah, ouais, non, ça non, fait partie de la magie, quand tu... Justement, le fait... qui demande de pas prendre de photos et pas de poster, ça fait partie justement de, de cette magie de revenir sur le site tout monté. Du respect du truc, quoi, voilà. Qui est vraiment en mode, ce qu'on vous prépare, on veut que ça soit le jour J, quoi, pas que ça soit avant. Quoi. Donc voilà, ça fait partie du truc, c'est, tout est fait là-bas pour que vous passiez un super moment et que vous kiffiez, mais grave, votre race, et qu'on se rend pas toujours compte justement à quel point de tout ce qui est fait est mis en œuvre pour que ça soit génial. Bah, c'est ça le problème, en fait. C'est que je trouve qu'ils ont fait trop de trucs par rapport au nombre de jours qu'on a pour voir un max. C'est ce qu'on disait déjà, c'est le fait que maintenant il y a trop de trucs. Mais... Du coup, s'ils pouvaient enlever 2-3 trucs, ce serait pas mal. Parce que... Ce serait parce que nous, on n'y arrive plus. Quoi. Du genre la forêt. Si... Non, pas la forêt. 2-3 scènes. Non, pas la forêt. Tu vois, genre des trucs quoi. Et puis qui nous ont. C'est comme les gamins, tu leur retires des jouets, puis tu leur donnes 6 mois après, ils ont l'impression de les redécouvrir. Alors que. Pareil, tu voudrais un deuxième Hellfest à mi-saison? Bah, à la rigueur, ouais, mais avec les trucs qu'ils ont retirés. Tu vois qu'ils ont... Genre, en fait ils font quoi? Ils font une première affiche, et finalement, au bout d'un moment, on a coupé en deux. Et... Putain, grave. Bah ouais, carrément. Je suis pas sûr que ça se goupille comme ça. Et s'ils font en hiver, ils font sous les tentes. Non, je suis pas sûr que ça marche comme ça. Un Hellfest spécial Valley à Altar Temple. Je pense qu'autant ils pourraient faire un spécial truc, mais elle reste pas fixe ces tentes là, donc ça marche pas trop. Mais... Bah non, mais ils peuvent les mettre pour le festival d'hiver. Ouais, les gens seraient à l'abri sous le. Je pense pas qu'ils vont diminuer ce principe de base. Je pense qu'ils peuvent peut-être être arrivés à un point où là faut dire c'est bon, on est arrivé à max. En tout cas, en fait, on n'a pas un bon exemple. Faudrait qu'on se rende compte vraiment. L'année prochaine, bah, ça dépend s'ils font un autre truc. On aurait dû se rendre compte l'année dernière, mais là, il y a le Knotfest qui vient foutre tout en l'air. Sans ça, on aurait pu mieux se rendre compte. Ah, tu crois que ça vient casser un petit peu le... Bah, le Knotfest vient rajouter un truc en plus de pas le choix, en fait. Ouais, mais tu peux faire abstraction du Knotfest. Tu peux le faire pour ceux qui veulent pas. C'est pas physique. Ouais, mais justement, le fait qu'il soit là, ça fait quand même un demi-festival où tu vas aller. Donc tu vas moins profiter des autres trucs, donc t'as l'impression de manquer des trucs. Mais ouais. Tu vois? Oh putain, tu me dis ça comme ça. Bah je sais que t'étais pas prêt, mais... Ah la vache. Du coup, sans le Knotfest, bah, tu peux profiter plus facilement du jeudi. Bah oui. Putain, ils font chier ce Knot, quoi. Mais sache que peut-être que l'année prochaine, il y aura autre chose à la place le jeudi. Bah quoi. Ouais. Voilà. Imagine, ils arrivent à voir ce qu'ils... Et puis, je te dis que ça. 45 le camions. Le méga destour ou, tu sais, genre le truc. 45 camions. Ah ouais. Ouais, 75 en tout. Voilà. Ouais. Non, enfin voilà. En tout cas, il y a de quoi voir tout le temps, partout. Donc, vous prenez pas la tête à... En fait, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui vient pour la première fois, c'est ne prévois rien. Ouais. Laisse-toi porter le jeudi, tu vois. C'est ça. Je veux dire, et un petit ordre d'idée de ce que tu veux voir le vendredi, le samedi et le dimanche, mais laisse-toi porter le jeudi. Ouais, prévois juste les groupes, en fait. Ouais, voilà. Pour le reste, découvre, profite, tu vois. Oh. Et puis si t'as un creux dans les journées où tu dis ça, j'ai pas forcément envie de le voir, c'est pas grave. Va te poser, va te visiter, t'inquiète pas. Tu peux aller visiter Clisson. En plus, ça, c'est un truc qu'on a jamais fait ensemble, j'entends. Hum. Je n'ai jamais vu Clisson de ma vie. Moi, j'y suis guetté plusieurs fois, donc après, c'est... Je le faisais. À une époque, on allait voir des concerts un petit peu en ville, aussi, pour... Ça devait être bizarre, un peu. Ouais, c'était assez bizarre. Le paradoxe devait être sympa. Mais c'était juste pour aller chercher des clopes, hein. Oui, c'était un prétexte. Doute, ouais. D'accord, très bien. Ça, c'était... Alors, comme on l'a déjà dit, et on se réserve le droit de faire ce qu'on veut ici. Ouais, de toute façon, c'est clair. Donc, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais c'est là. C'est la rubrique Knotfest, juste pour dire. Donc, il reste toujours moins de 2000 places. Bon, allez, on va taper 1500 pour dire, histoire de... Ouais, grosso merdo, ouais. Et donc, 2000 places pour la première date du Knotfest en France, en partenariat avec le Hellfest. Toujours 10 groupes pour ce mini-festival, 5 groupes américains et 5 groupes européens. Et cette semaine, c'est au tour de, bah, toujours pas Slipknot, hein, qu'on va faire peut-être soit le dernier épisode, soit, je sais pas, ouais, plutôt le dernier, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Donc, tu penses quand même à écouter? De quoi? Bah, tous les albums de Slipknot. Ah bah, j'écoute, hein, Slipknot, de temps en temps. Non, tous les albums. Ah mais il faut que tu me dises. Je te l'ai déjà dit, il y a 3 émissions. Non, mais il faut que tu me dises lesquels. Tous. Je vais les marquer dans les albums à écouter. C'est ça, voilà. D'accord, donc je te propose qu'on enchaîne avec les chroniques, comme ça fait déjà 55 minutes, ça va passer vite. Ah bah écoute. Est-ce que je peux commencer? Vas-y, commence. Je vais commencer avec un groupe dont je vais me débarrasser. Attends. Ah. Tu t'hésites? Ouais. Arkspear? Non. Non? Non, non. Non, bah, Dawn of Decease, alors. Non. Bon, bah, c'est l'autre. C'est quoi, l'autre? The Sister of Mercy? Oui, tout à fait. Bien sûr. Bah, ça pouvait pas être Matine, vu ce que tu m'en as dit. Eh ben non. Moi, je t'ai pas dit de trucs négatifs sur les autres, non plus, hein. T'es dur. Bah, c'est pour ça, là, tu m'as laissé un petit peu dans la merde, là, à deviner. Non, mais j'ai expliqué pourquoi, vas-y. Alors, The Sister of Mercy, qui passe le samedi. En temple, en de temple. 1h05 à 2h05. En face, il y a Architect et le Bal des Enragés. Tout à fait, tout à fait. Donc, The Sister of Mercy est un groupe de rock gothique britannique originaire de Leeds en Angleterre. Ce que tu m'as fait écouter tout à l'heure. Exactement. Il passe donc en temple, tu vois. Du rock gothique. Oui. Bah oui. C'est... Tu trouves ça cohérent, toi? Rock gothique en temple, bah ouais. Crame. Je n'y arriverai jamais. Il est formé en 1980, qui est une super année pour former un groupe ou venir au monde. Clin d'œil, clin d'œil. Non, en 80, j'ai dit. Ah oui. Te trompe pas. Oui, ouais, ça va. Le hein. Clin d'œil, il est de mon côté. Formé en 80 par Andrew Eldritch au chant et Gary Marx à la guitare. Au sujet du nom du groupe, Andrew Eldritch déclare qu'il est inspiré d'une chanson de Leonard Cohen où la locution de Sister of Mercy, qui désignerait alternativement un ordre religieux du même nom, et des prostituées. Une autre explication plus probable existe quant à l'origine du nom, qui serait une référence aux sœurs de la famille Brunt, écrivaine originaire de Leeds comme le groupe. Va savoir laquelle tu préfères. Non, j'aime bien les... Très influent dans le milieu gothique, le groupe n'a pourtant sorti que 3 albums en plus de 30 ans d'existence. Que 3 albums. Le travail sur le son et la mélodie a toujours caractérisé leurs œuvres, comme tu as pu entendre tout à l'heure. Leurs concerts sont souvent décrits comme une expérience, incluant des nappes de fumée épaisses accompagnées d'effets lumineux. Encore aujourd'hui, hein, c'est réputé, c'est vraiment les groupes un peu comme Clutch, un peu comme... qu'est-ce qu'on avait vu où on ne voyait rien? Monde d'autres générateurs. Non. Primus. Primus, voilà. Vraiment comme Primus apparemment, parce que j'ai vu des photos d'un concert récent. Tu vois que dalle. Tu vois, bah voilà, tu vois juste des fois les gens qui arrivent à sortir comme ça. Le groupe est fortement marqué par la personnalité d'Andrew Eldritch, vocaliste autour duquel la composition du groupe a souvent changé. Par exemple, quand 2 des membres quittèrent le navire après qu'Eldritch ait rejeté catégoriquement les nouvelles compos proposées, les 2 larrons forment un nouveau groupe qu'ils nomment Sisterhood. Mais comme c'est aussi le nom de la plus ancienne communauté des fans de Sister of Mercy, Eldritch n'apprécie guère et monte un nouveau projet qu'il nomme lui The Sisterhood, ce qui forcera les autres à devoir changer de nom. Ouh, c'est vicieux. Il ne faut pas que tu l'emmerdes, le mec. Hein. Très indépendant et voulant garder le contrôle artistique du groupe, Andrew Eldritch crée Mercyful Release, son propre label. Par exemple, pour quitter sa dernière maison de disques, il livra en 1997 des enregistrements inédits sous l'abréviation « Accroche-toi à ton slip ». SSVNSMABAAOTWMODAACOTIATW, souvent raccourci sous la forme SSV, à la place logique. Des 2 albums de Sister qui leur devaient. Il s'agit en fait de morceaux de techno composés par 2 producteurs et qui utilisent des samples de la voix d'Eldritch. Le nom de ce groupe, donc, serait l'abréviation de Screw Shareholder Value, Not so much a band as another opportunity to waste money on drugs and ammunition courtesy of the idiot at Time Warner. Cet album n'a jamais connu de sortie officielle et une version pirate circule cependant. Sous les manteaux. Sous les manteaux, les kawaii, tout ça. Les kawaii. L'une des caractéristiques de Sister of Mercy est d'avoir toujours utilisé une boîte à rythme, baptisée Docteur Avalanche. Ah bah ouais, carrément. Présent sur tous les enregistrements et utilisé à chaque concert, l'instrument est considéré comme une entité à part entière du groupe. Comme Ludwig. Ah ouais ? Ouais. Cool. Le groupe est l'un des fondateurs du style gothique reconnu en cela par l'unanimité de la critique. Bien qu'Andrew rejette la qualification de gothique, ses paroles souvent cyniques, désabusées, faisant référence à divers artistes, philosophes et événements historiques qu'il apprécie. Il me fait beaucoup penser à moi. Oh. En bref, The Sister of Mercy, c'est 3 albums dont le dernier remonte à 90, mais qui ont été réédités avec des bonus en 2007. Un leader charismatique mais pas gothique, qui gère tout et a pour meilleur ami une boîte à rythme, mais qui existe depuis 38 ans, et ça, c'est respectable. Pour en faire un dessin animé. Je trouve. Donc, The Sister of Mercy, clairement, je suis pas rentré dans le délire. Je trouve que ça sonne en fait exactement comme l'époque où ça a été enregistré. En fait, je vois tout ce que ça a pu influencer depuis. Je vois tout ce qu'a pu aimer Sister of Mercy quand on dit ah, j'aime bien le style, j'aime bien le truc. Mais pour moi, ça sonne plus comme un truc à l'ancienne qui ne m'a pas touché. Et j'ai pas non plus été forcément fan de tout le délire gothique quand même, parce que ça reste un peu gothique dans l'idée. Et autant je dis pas que je cracherais à aller voir en live ce que ça peut donner pour le côté lumière et dire ah ok d'accord ça ressemble à ça, autant musicalement ça m'a pas du tout ça m'a pas plu. Je dirais que sur le deuxième album il y a des morceaux que j'ai un peu plus aimés. Mm-hmm. Pas beaucoup, pas assez pour dire que j'aime bien. Ouais. Vraiment pas pour dire que je réécouterais. Je suis content d'avoir pu me pencher dessus parce que je m'interrogeais beaucoup sur ce groupe, mais voilà, c'est plus en fait je comprends vraiment le côté influence, mais moi ça me parle pas, ça sonne trop vieux, ça sonne vraiment vieux je trouve quoi. Donc c'est pas du tout pour moi, c'est pas ma cam, mais d'accord, je passe c'est mon pour chemin. Moi éventuellement, pardon, c'est plus pour moi éventuellement, tu penses, je sais pas. Non, mais moi par exemple j'aime bien encore écouter Virgin Prunes, Boos, des vieux trucs comme ça. Oh. Christian Death. Ouais, mais je sais pas, t'as aimé ce que t'as entendu tout à l'heure ? Bah après, ça m'a fait penser vraiment à cette époque 80. Ouais, ça fait penser à ça, c'est complètement pensé à ça, mais ouais. Moi, c'est pas pour moi, quoi. Faudrait que je réécoute un petit peu ouais, plus, bah... mais après, voilà, non, mais moi, c'est vrai que j'ai eu cette période, une période un peu dans ce style-là, un peu goth, ouais, qui était... Mais j'ai rien contre. Ouais, non, mais... Après, si j'écoute et que j'apprécie, pourquoi ne pas aller jeter un yeux, vu... Bah après, ça passe face à Architect et le bal des enragés. Ouais, voilà, c'est pour ça. Bah, j'ai bien envie de jeter un œil au bal des enragés en Warzone, voir si l'ambiance. Mais je suis pas contre aller jeter un œil non plus à Sister of Mercy pour dire je les ai vus. Ouais. Voilà, mais sans plus, sans voilà. Bah, moi après, le set du bal me plaît pas plus que ça cette année, donc pourquoi pas aller voir ailleurs. Très bien. Donc, donc tu vas être obligé d'écouter un peu si Stéphane. Ouais, moi, ouais, pas de souci. D'accord, très bien. Eh bien, c'est tout pour moi. Ok, Alec. Moi, je vais débarrasser aussi. J'ai Cradle of Filth. Alors, Cradle of Filth qui joue samedi en Temple. Ça fait bizarre quand même quand tu vois Cradle of Filth et Sister of Mercy. Je vois pas la couleur. Donc, en samedi en Temple à 22h55 jusqu'à 23h55 face à The Addict et à cheval sur ZZ Top et Kiss. Ah. Qu'on pourra peut-être dire plutôt ZZ Top plutôt que ZZ Top. ZZ, ouais. Enfin, de ce que j'en ai vu, ça se... Ça se dit ZZ, ouais, ouais, on est d'accord. J'ai toujours eu l'hésitation, mais en fait... Non, mais c'est ça, et c'est ce qu'ils veulent, c'est leur blague à eux. Donc, Cradle of Filth, qui est un groupe de black metal britannique, à ma grande surprise. Je pensais vraiment qu'ils étaient pas... Je pensais pas du tout qu'ils étaient ah bon anglais. Non, pas du tout. Tu croyais brésilien ? Ouais. C'est dommage. Mais plus du Pérou, moi, tu vois. Ah bah oui, mais c'est parce que toi, t'es un aventurier. C'est la flûte de Pan, moi, ça m'a complètement mis dedans. Il n'y a pas de flûte de Pan. Ah bah c'est peut-être pour mon Cradle of Filth, alors que j'ai écouté. Peut-être pour ça que ça m'a pas plu. Parce que la flûte de Pan, je suis pas un gros fan, et du coup... T'as pas confondu avec des claviers ? Ah, peut-être ! Ah bah, je suis encore moins fan des claviers, donc peut-être que du coup, je vais réécouter la flûte devant. Bon. Enfin, quoi que. Bah, écoute. Voilà. Donc, ils sont originaires de Suffolk. Ce qu'ils ne font pas du tout, hein. Ils font pas du tout du folk, hein, les mecs. Non, pas du tout. En Angleterre, le groupe est fondé en 91 par Darren Daz White, John Richard, Paul Ryan et Daniel Lloyd Davey. Hmm. Alias Danny Fields. Ah bah oui. Du coup. Au cours de leur carrière, leur genre a évolué, débutant avec du death metal et se dirigeant progressivement vers un style de black metal symphonique. D'accord. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Crowd Filth est couramment qualifié de groupe de metal extrême. Les textes abordent le satanisme. Oh non. À leur début, l'érotisme, le romantisme, oh. Le diable, la mythologie et autres histoires d'horreur. Ça fait beaucoup quand même. C'est beaucoup pour un seul groupe. Ouais, mais ils ont plein d'albums, donc ils ont le temps de taper un petit peu dans tout. De dire bon, on a déjà parlé de ça. On parle de quoi maintenant? Ouais. Donc voilà. Je vais pas te sortir toute la bio. Oh mais non. Surtout pas. Laisse-moi ce plaisir. Donc quand j'ai lu ça, en fait, je me suis dit tiens, ils ont tapé dans du death metal à leur début. Donc. Donc eh ben je me suis dit je vais écouter le premier album. Ouais. Ben moi je qualifie pas ça de death metal. Ah bon? Ben non. Tu le mettrais pas sous altar ou temple? Vas-y, fous-toi de ma gueule. J'ai pas du tout dit ah, ça. Super. Bravo, mais alors ça y est, tout de suite, tu on fais, peut, on peut pas tu discuter. Fais une petite erreur à droite, et là, non, mais t'es repris à ça. Gauche. Mais par... je t'ai dit que c'était pas si simple. Donc, voilà. Et le mec coupe tout d'un rot. Voilà. Ouais, on a un problème politique, mais... Ah, d'accord, c'est bon, c'est réglé. C'est réglé. On n'en parle plus, on se serre dans les bras, et puis on boit une bière. Donc, ben voilà, tu m'as coupé. Tu as écouté le premier, c'est pas du death metal. Ouais, non, j'ai pas trouvé ça death du tout. Mm-hmm. Enfin, de ce que moi je pense. Après, attends, que ce soit du death. Attends, est-ce que t'as... Parce que Wikipédia, parce que je sais que tu prends tes sources comme moi, souvent, en fait, dans le résumé, ils te disent les débuts, mais après, quand tu vas lire le tout début de la bio, après, ils t'expliquent, en fait, ils ont fait du death avant d'enregistrer des albums. Et ben là, c'est le premier. Donc moi, c'était marqué, j'ai regardé, il me fait... Tu te trompes. Ouais, écoute, vas-y, passe à ton groupe parce que de toute façon, j'ai pas grand chose à dire. Mais t'as écouté le dernier? J'ai écouté le dernier un peu. Ah, le dernier il passe mieux quand même. Hein. Ouais, bah non, moi c'est toujours les claviers, moi ça me parle pas quoi. En fait, il faudrait que t'écoutes du Cradle sans clavier. Ouais. Ouais. Non, comme du Dim Borgir sans clavier. Donc t'as pas aimé quoi? Non, j'accroche vraiment pas. Puis je connais en fait depuis les années 90 Cradle of Filth avec justement mes fameux potes black metaleux. Ouais. Non, j'ai jamais accroché quoi. D'accord, mais le premier album, je trouve que Danny Field justement il braille beaucoup. Enfin, tu sais, il crie. Il braille pas, il crie. Donc, c'est des cris souvent assez aigus hein, qu'il fait. Même sur le premier album de 92. Sur le dernier album, moi j'avais trouvé... Non, sur l'album de 94. En fait, le premier album date de 92, Goetia. Ouais. Apparemment, il n'aurait jamais été édité. Oh. Et celui de 94, The Principle of Evil Made Flesh, mm-hmm. C'est celui-là que j'ai écouté et qui est censé être du death metal. Ouais. Bah. T'as écouté celui-là? Non. Bah, c'est celui-là le dernier. Cryptoria de. Ouais, bah si, bah peut-être que j'ai écouté, mais après la pochette me dit rien. Et le nom me dit rien, mais j'ai tapé plouf comme ça, quoi. J'ai pas été chercher. Non, mais je sais que je suis pas fan de. Sais que t'es pas fan, mais justement, c'était l'occasion de se dire allez, d'une oreille neuve, faisons foi de tous les fires. Faisons table rase du passé. Ah, c'est ça l'expression? Bon. Ouais, je ne sais plus. Donc, non. C'est son péremptoire. Ouais. Et non, après, je sais de base que je suis pas fan. Donc c'est coup, un nom. J'y suis un peu allé à reculons. Bah, je sais, mais. Et j'ai pas eu trop tort sur ce que je pensais. Déjà, de base, c'est que j'accroche toujours pas. D'accord. Et je pense que j'accrocherai jamais à ce style musical. D'accord. Voilà. Parce que je pense que déjà, c'est les cris. Ça, moi, je comprends pas. Mais, tu sais, mais peut-être qu'il était en colère, peut-être qu'il s'était levé tôt, bah, ça va. Ou peut-être qu'il était en haut d'une montagne en train de hurler à la lune en se disant hey! Mais peut-être. En espérant qu'il y ait trois poils qui poussent. Oh. Non, mais je pense qu'à mon avis, c'est ça, quoi. Ils ont ce côté un peu dans l'imaginaire, tu vois, des contes, machin, un truc un peu noir, très sombre, tu vois. Ils aiment se promener en forêt. Ça me fait rire parce que vous le voyez pas, mais il a l'air d'être très sérieux dans ce qu'il dit, là. Regarde et tout, tu vois. Et moi, j'y crois pas du tout. C'est très, très marrant. Du coup, alors... Non, mais moi non plus, déjà, de base. Donc, du coup, donc on oublie Cradle, c'est ça? Pour ma part, ouais, complètement. Mais déjà, je l'avais oublié avant que je tombe dessus, donc... Mais après, il y a des fans, et je respecte tout à fait qu'ils soient fans, comme Dimmu Borgir, et d'autres groupes que je n'aime pas, et que j'ai... Tout à fait. Voilà. Et donc, t'iras voir quoi, alors, The Addict? Je sais pas. C'est Top et Kiss. Je serais plus dans cet esprit-là, ouais. D'accord. Sachant qu'en plus, voilà. C'est la fin. Ils tirent leur révérence, les mecs. Tu dis Top, ils arrêtent? Non, c'est la Inner qui arrête. C'est Kiss, ZZ Top, Kiss qui arrête, mais ouais. Bon, ZZ Top, c'est la vie qui va les faire arrêter. Ouais, je pense aussi, ouais. Donc, ok. Donc voilà, pour ma part, hein, pour le Cradle of Filth. Merci, Bob. Oh, bon, il n'y a rien à remercier là, à ce niveau-là, franchement. C'est... Bon, bah, je vais passer au dernier gros morceau. Fais. Je vais passer à quoi? À Madsine. Ah, Madsine. Parce que moi, j'aime bien raconter les bios des groupes. C'est ton look, c'est ton style. Alors, samedi, Warzone, 16:45, 17:35, face à Deadland Ritual et Karak Angren. Et merde. Il y a Karak Angren, merde. Bah, après, ça, merde. C'est de ta faute, hein. Pourquoi? Non, je sais pas. Je t'accuse de quelque chose. Ah, fais suer ça par contre. On peut arrêter l'enregistrement. Faut que j'aille. Réfléchir. Ouais. Alors, Madsine est un groupe de psychobilly et punk rock allemand originaire de Berlin-Ouest, dans le quartier du mur de Berlin. Formé en 87, il est originellement composé de Kurt Devil, de son vrai nom Murad Kalviz, au chant et à la batterie. Au début, en tout cas, et de son compatriote Stein Dr. Solido à la guitare, qui se sont rencontrés cette même année dans un bar réunissant des Teddy Boys et autres fans de rockabilly. Laisse-moi te dire que ça devait sentir bon la bagarre. Peu de temps après, ils engagent Oli, qui ne joue de la contrebasse que depuis 4 semaines, et forment un groupe de reprises de rockabilly se nommant Sinner Mad. Là, le raccourci est vite fait. Hein. Oui. Il joue dans la rue, dans quelques bars miteux et dans les centres commerciaux afin de financer l'enregistrement d'un premier album. Après quelques mois, le groupe décide de s'appeler définitivement Madsine. En 88, le groupe enregistre son premier album studio intitulé Shields and Thrills in a Drama of Madsine and Mystery. Ouais, les petits longs à rallonge aussi. Ouais, ils sont un peu... Il commence à tourner dans tous les squats et les festivals de psychobilly allemands et le groupe devient vite très populaire dans le milieu underground. L'année suivante, en 89, le groupe sort son deuxième album, Distorted Dimension. 1991, ils sortent Home Figury, et cet album est le dernier qui le classe totalement dans le style psychobilly. C'est aussi leur dernier album en tant que trio. Ils publient en 92 l'album Break the Rules, qui contient 2 reprises et qui contient aussi des sonorités plus heavy metal. Ils recrutent également Pat Flato en batteur à part entière afin de laisser Koft se concentrer sur le chant. Ça devait être assez bizarre de le voir au chant et à la batterie, je pense. Vu l'énergumène... Bah, il était peut-être pas comme ça à l'époque. Peut-être pas, effectivement. Ouais. Je crois que c'est d'avoir chanté, s'être mis au chant qui l'a fait grossir. Ou c'est plutôt d'arrêter la batterie qui l'a... D'arrêter la batterie. Sûrement, ouais. Parce que les chanteurs, on sait bien, ils sont tous gros. 93, A Ticket into Underworld, 5e album qui poussera le groupe à sortir son premier clip, Meet Train at Midnight. 96, God Save the Scene, avec un style où le groupe se détache vraiment du psychobilly et assoit un peu plus... le côté vraiment style du groupe. Popularité oblige, il tourne encore plus grand et partent même jusqu'au Japon. Cet album est un véritable succès, mais les dépenses excessives du groupe ne leur permettent pas de vivre de leur musique. Ils signent donc un contrat avec la major Polydor afin de devenir salarié et avoir de l'argent pour enregistrer un nouvel album. Le groupe déménage à Hambourg et recrute un deuxième guitariste, Philippe Moustache Doyle. Je sais pas de... Oui, bah après, il aurait porté un book, peut-être que... Philippe Book Doyle, bah, ça marche aussi. 98, Sweet and Innocent, Loud and Dirty, avec un visuel de l'album qui change de tous les autres, sûrement lié à Polydor. Il profite de cette même année pour sortir le clip de la chanson Hold This and More. 99, Polydor rompt le contrat contre une somme de dédommagement. Ces derniers jugeront le style du groupe trop violent pour leur standard. Oh, c'est magnifique. Quelle surprise. Les années 2000 voient la première année de repos pour le groupe après 13 ans de concerts à travers le monde. S'ensuit des changements dans le groupe qui fait que Cough Devil doit être le seul membre original encore présent. Encore 5 albums avec un petit retour au psychobilly en 2005 et un dernier album studio en 2010. Une compilation des 25 ans du groupe en 2012. En bref, Madsyn est un groupe de psychobilly vachement bien, avec 12 albums, 3 compilations, 4 lives et plus de 30 ans d'existence. Un chanteur charismatique et plutôt en forme, qui doit bien manger à la cantoche des festoches. Et assurément, un groupe de scène qui va venir retourner la Warzone cette année. C'est sûr. C'est une très très très très très très bonne surprise de cette année. J'ai vraiment surkiffé le groupe. Il y a quasiment un truc super bien dans chaque album. Alors j'avoue que moi je préfère forcément un petit peu la période où ils évoluent un peu plus vers le heavy, parce que ça se rapproche un peu de ce que je kiffe moi. Mais je trouve que le mariage pour le coup psychobilly et heavy est excellent. Alors je t'en avais parlé hors podcast quand on s'est vu l'autre jour, mais j'ai eu pas mal de groupes de psychobilly où je disais ouais non c'est bien, je vois que c'est bien, mais voilà c'est pas forcément... ce groupe là ouais. Ce groupe-là, j'ai fait « Ah ouais, putain, j'adore, c'est vraiment... » Il y a de l'énergie, hein. Ah, il y a de l'énergie, c'est trop bien, les morceaux sont top. Même les morceaux plus calmes, ils passent super bien. Je trouve que... La voix du chanteur. Voilà, c'est ça, j'allais dire, ouais. Justement, sa voix, elle est vachement bien. En plus, elle change selon les morceaux et le type de truc. D'ailleurs, je l'ai même vu dans une espèce de... Il est venu venir faire un feat dans un truc de... dans un clip de hardcore. Et... Alors, il chante pas forcément énormément différemment de ce qu'il chante d'habitude. Oh putain, je l'ai vu, ça. Ça se passe dans la rue. Ouais. Et ça marche super bien. Ouais. Donc voilà, non, c'est une très très très bonne découverte. Et c'est pour ça que je suis hyper emmerdé. Parce que moi, je voulais déjà voir Karast Angren qui passe, donc je dirais, sous la Temple, j'ai dit. Enfin, c'est ça ce que j'ai dit. Temple Warzone, là, par contre. Bah, c'est un peu loin. 16h45, 17h35, c'est une heure de merde. Oh là là. Ouais. Non, là, c'est compliqué. Je sais pas comment je vais faire. Bon, toi, je te demande pas, tu seras devant Madsyn, c'est sûr. Je vais les revoir depuis le Fury Fest. Non, faut que je les vois un peu, mais faut que je vois aussi Carage. Donc, je vais être obligé de courir pour voir les deux. Mais j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé Madsyn. Ça fait partie vraiment des groupes que j'ai découvert là et sur lesquels j'ai envie de me replonger dans les semaines à venir pour même à d'autres moments. Par contre, je suis un peu surpris parce que je pensais que ce style était un truc un peu plus passe-partout. Et je l'ai mis l'autre jour en voiture, c'est pas trop passé en fait. Ah ouais? Ouais, je pensais que ça serait assez, toi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ben pas trop. Ah ouais. Ouais, non. Non, ça a pas plu à la majorité. Non, ça n'a qu'à toi que ça a plu du coup. Voilà. Ouais. Je referai un essai, j'avais peut-être pas choisi le bon album. Ouais, peut-être. Mais non, vraiment, une très très bonne découverte. Je recommande. Voilà. C'est vrai que moi je les avais découverts au Fury et ouais. Franchement, je les avais vus, c'était vachement près quoi. Et ouais, putain, c'est une énergie sur scène, c'est impressionnant. Quoi. Alors que le mec est... J'avais kiffé le look des mecs. Ah ouais. C'est assez noir, très, la lumière sur les instruments, avec le côté un peu morbide et tout. Non, excellent. Une grosse, grosse bonne découverte. Reste fan depuis. Quoi. Le chanteur a bien grossi par contre. Hein, je sais pas. Ah non, il était déjà costaud à les bases. Ah, mais je crois qu'il a encore grossi. Ah, il a encore grossi. Bah là, il est assez. Ah merde. Ah bah écoute, je vais te montrer les photos que j'ai vues moi récemment, mais j'ai l'impression que. De base, il était déjà très costaud. Hein. Ah oui, non, mais là. Un peu comme les Boya Tree, bah, je sais pas si tu vois. Pas du tout. Non. Mais. Tout à fait dans l'esprit. Ah, attends, faudrait que j'essaye de trouver. Je sais pas, regarde le. Ah oui, il a un peu pris quand même. Hein. Ah, quoi que. Ouais, pas tant que ça. Écoute, là, je. Non, ça va, pas tant que ça. Tu crois? Ouais. Parce que j'ai une photo récente. Hein. Non, parce que tu vois vraiment que le mec se porte bien, quoi. Ouais, complètement. Mais je comprends pas, c'est qu'il dépense une énergie de dingue sur scène. Après, bon, à voir. Hein. Ou alors, je sais pas, il équilibre peut-être pas. Mais non, mais il doit. Il n'a pas de nutritionniste, peut-être. Peut-être. Des fois, ça dépense trop d'argent dans autre chose. Apparemment, c'est vrai qu'il dépense beaucoup d'argent, comme tu dis. Ouais. Du coup, ils peuvent pas se payer. Écoute, on ne sait pas. En tout cas, voilà. C'était mon deuxième groupe, Madsyn, et je vous le recommande. Merci à toi. Et n'hésitez pas, vous pouvez prendre n'importe quel album. Là, il n'y a pas besoin. Tout est bon. Ouais. Je vous en prie. Mon deuxième groupe. Oui. Hein, qui se trouve être Skald. Skald. Je sais pas si je prononce bien. Ah, ça, c'est le problème avec Skald, les coupes de vikings. Skald. Qui passe le dimanche en temple à 18h35 jusqu'à 19h35. À noter quand même une heure. Face à Nasty, ou... Et Anthrax. Aïe, aïe, aïe. Nasty, de mémoire. C'est toi, la semaine dernière. Ouais. Donc, Nasty... Je t'avais dit déjà, Nasty, tu dis pas Nastai. Ouais. C'est la bagarre. Hein. Ouais. C'est la bagarre, mais est-ce que c'est Warzone ou... Oh, de mémoire, ça doit être Warzone, mais je vais... Écoute, le temps que tu te rafraîchisses. Ouais, ouais, ouais, dis-moi. Est-ce que ce visuel... Oh, ça peut te parler, ça. Parle, ça. Nastai. Je me demande si c'est... Alors, non, j'ai un doute sur le... Sur la scène, en fait. Attends, bah, je regarde. Raconte-nous des histoires, toi. Père Castor. Warzone. Warzone. Warzone. Ah, ça pue du lierche. Ah bah aïe. Donc, Skald, qui est un groupe de néo-folk français. Cocorico. Yeah, fondé en 2018, donc très récent. Oh la vache, très récent. Tout frais. Putain. Donc, leur musique se distingue par l'utilisation d'instruments, et là, autant pour moi, je vais certainement écorcher beaucoup de noms. Donc, l'utilisation d'instruments anciens mêlés aux techniques de chant des Skalds, sauf que ça s'écrit pas comme le groupe, hein, c'est S-C-A-L-D-E-S, en vieux norrois. Oh bah dis donc. Voilà. Le groupe est très influencé par la culture scandinave et la mythologie nordique. On s'en serait un petit peu douté. C'est vrai, Sinon, on s'appelle Nile et on est influencé par la mythologie égyptienne. Style musical. Le répertoire du groupe s'inspire principalement de la... Pop. C'est ce que je disais tout de suite. Ouais, de la pop anglaise. les groupes favoris étant Oasis, Blur et... The Verve. Ah bah oui. Ah, bien sûr. Ah, je déteste The Verve. C'est le chanteur que t'aimes pas. Ah, oh, leur chanson, la Bittersweet Symphony, il y a mon cul, là. Ah, bon, <bref. rire> Ah ouais. Donc, principalement de la Voluspa et du Gylfa Ginning. Oh, bah, c'est pas évident tout ça. C'est pas évident déjà à écrire et à prononcer. Comme pas la, sympa la, de te faire des trucs comme Voluspa. Ça. Hein. Non, c'est sûr. Deux textes présents dans l'Edda poétique. C'est un projet vocal porté par trois interprètes originaires de Lorraine, spécialistes des techniques du chant des Skalds, tel qu'il a été reporté par les rares témoignages. Ils utilisent leur voix à la tessiture particulière, un chant guttural ou lyrique. Guttural, j'imagine, pour les hommes et lyrique pour les femmes. C'est un peu sexiste, mais d'accord. Bah, c'est oui, dans l'esprit, je pense que voilà. Non, mais il n'y a pas de mal. Hein. Voilà. Donc, c'est un chant profond et organique. D'accord. Parmi les instruments qu'ils utilisent notamment pour leur premier single Rune, se trouvent des tambours chamaniques. Mm-hmm. On voit. Pour rappeler les esprits. Tiens, voilà. Une lyre. Pour rappeler les fées. Ah, c'est bien. Ok, une talarpa. Pour rappeler les gens à venir manger. Ok. Il y a une citole. Je l'ai pas. Les gobelins. Les gobelins, peut-être. Ouais, peut-être. Les schtroumpfs. Et la flûte à systole. Ah, peut-être, ouais. Ça, oui. Tu schtroumpfs la flûte, du coup. Bah oui. Ou tu schtroumpfs, tout simplement. Bah tu schtroumpfs la schtroumpf. Ah ouais, aussi, ouais. Le soir, derrière la... Un jouico. Alors ça, c'est un jeu. D'accord. C'est un jeu qui joue à 4. Ok. Et quand t'as gagné, tu cries jouico. Avec des cailloux. Oui. Ok. Et des petits graviers. Du oui. Gravier de 12 ou du gravier de 16? Bah, ça dépend. D'accord. Si tu joues dans le nord, c'est du 12, et dans le sud, c'est du 16. Dans le sud du nord? Oui. Ouais, ok. Bah, évidemment. Et du nickel arpa. Alors là, ça, je crois que c'est une technique pour garder de la viande au frais en plein été. Ok. Je crois. D'accord. Ah, moi, je voyais plus une technique de clé de bras au taekwondo. Moi. Mais après, je sais pas, je crois qu'on peut se tromper. Hein. Oui, bah écoute, je pense que j'ai raison. Oh. Mais. Les percussions tribales évoquent la puissance martiale et les conquêtes. Les petites percussions faites d'ossements et de bois d'animaux s'inspirent du paganisme et la musicalité des cordes de la culture scandinave. Eh bien, dis donc, c'est un groupe qui est riche en culture, tout ça. C'est ça. En fait, ils se culturent beaucoup. C'est des mecs qui doivent tellement se prendre la tête. Bon, les gars, le prochain morceau, ouais. C'est quoi ton instrument ? Non, guitare. Pff, tout le monde connaît. Attends, je vais te la refaire. Tiens, c'est un nouvel instrument. Vas-y, c'est pas une technique pour sécher de la viande. Ah si, désolé, on l'a déjà fait. J'allais dire un truc genre tu prends un dictionnaire, tu ouvres plein milieu. Hey, il est vachement bien ton Tierclaims. C'est ça. Ouais. Les mecs ils sont en bail avec Ikea, c'est toujours ah merde, c'est pris par Ikea. Ouais, parce qu'il y en a un qui a le dictionnaire Ikea. Ils ont pas pris Ikea. Ouais, c'est bon, allez hop, on le garde. Bien sûr, on plaisante. Mais regarde, hey, je te fais un instrument. Mais ouais, c'est la Bierliski. Bierliskiska. Bierliskiska, oui. Voilà. Qui est une technique pour affiner le fromage. Tu vois que ça sera le prochain album de Scald. Tu crois? Je ne crois pas. Je viens le faire. Je viens en studio, je vais la faire. Non mais attends, ça va t'en faire des projets. Faut déjà que tu fasses un clip pour les Lilies et Fallen Lilies. Je peux m'arranger. Je peux créer un instrument, la Berlinskinska. Ok. Écoute, ça ne me dérange pas. Ouais. Bah écoute, tu proposes. Je dispose. Voilà. Au pire. Hein ? Qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde s'il me reste. Donc, les membres du groupe, nous avons Christophe à la composition et réalisation, Justine au chant, Pierrick au chant, à la talarpa et à la nickelarpa. Et Maggio aussi au chant. Alors, désolé, hein, Matt, je vais t'appeler Matt. C'est très bien, je pense. Matt au chant, voilà. Bah, donc, la discographie, il y a un album, Le Chant des Vikings, qui est sorti il y a très peu de temps. Ah ouais, ouais. Bah, c'est bien déjà d'avoir un album pour un groupe. Ils ont un album entier, ouais. Qui est si jeune. Ouais. Et donc, l'as-tu écouté ? J'ai tout écouté. Tous les albums. Oh la vache. Et oh, c'est... ça va, hein. Waouh. T'as bossé, putain. T'as écouté combien de fois l'album ? Bon, plein de fois, parce qu'en fait, Parcimonie l'écoute depuis un moment. Donc, ah ouais, dès qu'il est sorti, elle l'a écouté. Puis on a écouté les morceaux qui sortaient. Au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Ah oui, bah, donc ça fait un moment qu'elle suise. Ouais, bah moi aussi, du coup. Ah ouais, et donc ? Eh bah donc, moi j'aime bien. D'accord. Non, j'aime bien, vraiment, c'est stylé, j'aime bien, franchement, c'est très très sympa. D'accord. Ouais. Ok. Et puis je pense que j'irai les voir. Wow. C'est pour ça que ça m'a un petit peu embêté, parce que bah, oui, passe en face de... De Nasty. Et puis d'Anthrax. Nasty. Anthrax, quand même. Ouais, mais Anthrax, c'est toujours en main stage, c'est ça qui fait chier. Ouais, mais c'est Anthrax, bah, merde. Ouais, je sais bien, c'est Anthrax. Ouais. Putain, Ian Scott, tu as jamais vu, quoi. Bah non, bah si, il passait éventuellement. Avec, ah non, mais ça assure, quand même. Ouais. Bah non, j'en doute pas, mais... Disons que moi je suis plus petite scène et là vraiment c'est j'ai plus un dilemme entre Nasty et petite Scald. Question, comme ça fait un petit moment que vous suivez, peut-être que tu pourras me répondre. Est-ce que visuellement il y a quelque chose de spécial sur Scald? Non, pas bah, les instruments vraiment, mais sinon c'est pas comme Elung où il y a des voilà, costumes et ouais, non, mais ils ont des tenues, mais pas, ouais, pas, c'est pas Elung au niveau de d'accord, de, très bien. C'est donc, moins spectacle, moins, enfin tu vois, pas, je dirais pas spectacle, mais moins. Oui, non, mais spectacle. Chaud, ouais, voilà. Ouais. Ouais. D'accord. Donc, t'es quand même plus parti pour aller les voir. Ouais. Et tu vas voir courir vite fait jusqu'à Nasty pour. Ouais, ça va être chaud parce que là, Warzone. Là, ça fait vraiment deux salles, deux ambiances. Hein. Oui, complètement. Ouais. Écoute, moi, j'ai pas beaucoup écouté. Le peu que j'ai écouté, ça m'a, sur le principe, pas plus que ça. Faudrait que j'écoute un peu plus parce que j'ai écouté vraiment vite fait. Mais. Je vais suivre ton engouement et essayer de m'y pencher un peu plus. Voilà. Ouais. Très bien. Autre chose à... Est-ce que... Ah, question ? Bah, normalement, bah, alors, depuis tout à l'heure, on passe un peu, on zappe, on oublie parce que ça sentait un petit peu que ça coulait de source, mais pourrais-tu acheter un album ? Scald, ouais. Très bien. Tu pourrais... Bah, je pourrais acheter un album, oui, parce que... Il y en a qu'un, mais tu pourrais l'acheter. Non, j'ai acheté deux albums, ce serait con, parce que je le rends double, du coup. Bah, tu pourrais me le prêter. Ou te l'offrir. Bah... Tu vois ? Bah ouais. Non mais des fois on a pas les idées comme ça. Ben, je viens de te les donner. On n'a pas les moyens, on n'a pas les idées, mais d'un coup, on a les moyens, on a les idées, et on les offre à notre ami Jack. Mais bah écoute, voilà. Moi, ce que je te propose, c'est que t'en achètes un, tu me le donnes, et après, tu dis ah bah merde. Merde, je l'ai plus. Bah, il faut que je le rachète. Bam. Et comme ça, ça fait un petit coup de pouce pour le groupe. Exactement. Qui dit oh là là, en ce moment, la vente de disques, ça marche pas très bien. Tiens, c'est marrant ce qu'on a vendu deux dans le coin de Saint-Lô. C'est quoi Tu crois que ça marche comme ça? Je crois pas. Hein. Ah écoute, et puis je te rappelle qu'il passe à Caen bientôt. C'est vrai. Ah bah du coup, on peut répondre à la... Waouh. Eh, t'aurais pas dit ça, t'aurais oublié. Mais toi aussi. Ah non, mais moi, c'est pas ma chronique, hein. C'est toi qui as écrit. Hein. Non, c'est ta après, chronique. Je te laisse. Non, ta merde. Mon alors, non, excuse-moi, justement, c'est ta chronique en fait. Oui, c'est ma chronique. Et c'était ta news. Et c'était ma news. Donc. En plus. Alors, est-ce que tu viendras avec moi? Bah non, est-ce que tu y vas? Pourquoi pas? Ah, c'est intéressant. ouais, pourquoi pas? Très bien, et ben, c'est où à quand? Bah, je vais voir ça incessamment sous peu. Et ben, tu me redis. Tout à fait. Et je te redis. Tout à fait. Pourquoi ce pas? Tout à fait. Et ben, écoute, le temps de ma chronique, tu regardes, et puis. Je passe donc à mon troisième groupe, à savoir Dawn of Disease. Dawn of Disease qui passe le samedi en Alta à 10h30 jusqu'à 11h face à Like a Storm. Non, non. Enfin, oui, ça passe à... mais c'est pour dire que non, non. Ah oui, oui. Et quand même, les mecs, ils viennent d'Australie, quand même. Tu pourrais avoir un peu de respect. Et Coil Guns. Des amis. Des amis. Très bien. Alors, Dawn of Disease, qui signifie Aube de la maladie. Oh, c'est flûte, hein. Est un groupe de death mélodique allemand originaire d'Osnabrück en Basse-Saxe. Donc, tu vois, regarde, Altar, death mélodique. Altar, death mélodique. Bah ouais. On est un peu quand même. Ah, on reste sur le death quand même. Hein. Un peu Altar death. Ouais, mais okay. On reste sur le death quand même. Donc là, c'est le moment géo. Parce que tu sais qu'il y a toujours un peu un moment géo. Merci, petit géo. Donc pour te situer, c'est un peu entre Münster et Oldenbourg, non loin de la frontière avec la Rhénanie du Nord. Ça te parle pas? Ouais, ça me dit quelque chose. C'est du la Nord. Troisième plus grande ville de Basse-Saxe après Hanovre et Brunswick. Il y a juste du Nord, en fait, qui me dit quelque chose. Bah, c'est du Nord, Westphalie, mais je pensais que ça ne servait à rien de savoir. Westphalie. Westphalie. Enfin, Westphalie. Ah, mais ça me dit quelque chose. Bah, c'est parce que... Je sais pas. Donc, le groupe se forme en 2003 avec le chanteur Thomas Wisniewski, le guitariste Alex Miletic, le bassiste Sven Zurandort et le batteur Sébastien Timper. Un an plus tard sort le premier EP, Flugblustenheit, et après plusieurs changements de membres, le groupe se dissout en 2007. Bah, bravo. Oh, tristesse. Mais pourquoi? Au printemps 2009, sûrement une suite des bonnes résolutions du nouvel an, le chanteur, toujours Thomas, et le dernier batteur en date, Mathias, qui a rejoint le groupe juste avant la séparation, reforment l'Aube de la maladie, ou Dawn of Disease, et Bob me fait des signes pour me dire quelque chose. Je te fais aucun signe. Bah, tu lèves ton téléphone comme ça, là. Non, c'est parce que je trouve que c'est plus stylé. J'ai la lumière dans le visage et je trouve que c'est mon meilleur profil. Ça te va super bien. Merci, c'est gentil. Laisse-moi te le dire. 7 novembre, pour Scam. À quelle salle, c'était la question? C'est une bonne question. Voilà. Donc, attends, je vais te dire ça. Rejoint par d'autres musiciens, le groupe publie en 2011 l'album Legend of Brutality. Puis un second album en 2012, Creep of the Unwritten. Plus rien jusqu'en 2016. Ouh, changement de batteur et de bassiste, le groupe à nouveau reformé publie le troisième album, Worship the Grave, ainsi qu'une compilation la même année. 2017, quatrième album, Ascension Gate. Et pour résumer, Dawn of Disease, c'est un chanteur présent depuis toujours, un changement de line-up présent depuis toujours, mais du death présent lui aussi depuis toujours. Et c'est donc sous Altar que viendra se passer la bagarre. Voilà tout ce que je pouvais dire sur Dawn of Disease. À part que c'est du très bon death mélodique. Alors ma seule petite... mon seul petit reproche, ce serait sur la voix du chanteur que je trouve pas assez... ça arrive des fois dans certains groupes que tu dis que musicalement ça passe super bien, y a tout ce que t'aimes bien, et que la voix du chanteur elle est pas assez particulière. Elle est assez classique pour le style. D'accord. Et du coup, moi, il me manque un petit peu ce côté-là pour vraiment dire que le groupe est au-dessus. Alors on aurait pu croire que c'était un peu à cause des changements de line-up, mais le chanteur est là depuis le début, donc c'est pas à cause de lui. Tu vois, alors que pourtant, le reste, musicalement, est très très bien. C'est vraiment du bon death mélodique. Mais tu vois, si par exemple, je devais faire une comparaison, peut-être audacieuse, mais tu vois, la voix du chanteur d'une flemme, elle est particulière. On la reconnaît bien, encore plus aujourd'hui. Mm-hmm. Là, sur 4 albums, je pense que tu pourrais switcher avec un autre chanteur sans que tu remarques vraiment la différence. Elle est classique, vraiment classique dans le style. Elle n'a pas trop de nuances. Là où, comme on disait tout à l'heure, le chanteur de Madsen a vraiment une vraie voix et en plus qui change. Là, c'est vraiment le petit bémol que j'aurais sur ce groupe. Parce que sinon, à côté de ça, musicalement, c'est top. C'est ni un groupe hyper... c'est pas le renouveau du death melodic. C'est pas le meilleur du groupe. Mais c'est un très bon groupe et qui est très agréable à écouter. Me manque juste un petit peu de personnification de la voix de chanteur. D'accord. Voilà, en gros, ce que je pourrais dire. Et pour répondre, alors, j'en suis quand même pas à acheter un album parce que c'est bien, mais si je devais faire une autre comparaison avec un autre groupe de def, mais qui n'était pas mélodique, mais alors, du coup, ça marche moins bien. Donc, je vais peut-être pas la faire, c'est un peu con. Je vais la faire quand même. En style de def, j'ai préféré Bloodbath. Qui avait une voix plus... Mais c'est pas du death mélodique. Donc, c'est face à Like a Storm et Cold Guns. J'ai pas assez écouté Cold Guns, malheureusement. T'aimeras pas. Ah ouais ? Bon, non, je pense que ça te... Bon, bah, je regarderai Dawn of Disease et puis j'irai jeter un œil à Cold Guns juste pour te faire chier. Ouais, bah volontiers. J'aime bien, moi. Est-ce que ça te semble de bonne guerre ? Non, mais j'aime bien. Voilà. Mais par contre, je peux en réécouter avec plaisir. Y a aucun souci. Juste, voilà. Ça aurait pu avoir un petit chanteur quand même, un peu plus. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est un peu plus sympa. Une petite salle de concert ou pas ? Non, je l'ai pas, parce qu'en fait, je suis via une application. Donc, on trouvera ça tout à l'heure. Je comprends bien. Que je n'ai pas installé, puis que je n'ai pas envie d'installer. Je comprends bien. Voilà. Merci. Pas de quoi. Est-ce que tu passes à ton troisième groupe ? À Birtouf ? Bah, écoute. Ça va être sympa, je pense. De quoi ? Ah, pardon ! J'en oublie, hein, les varicelles. Virtus, qui passe le dimanche en Warzone. Oui, en Warzone. De 20h45 à 21h45, face à Emperor et Lamb of God. Oh, le groupe est déjà mort. Il ne le sait même pas. Il s'achève tout seul. Donc, Birtouf. J'aime bien ce groupe. Qui est un groupe de hardcore punk, metalcore, mélodique, hardcore. Mm-hmm. Ouais, on peut voir ça comme ça éventuellement. Mm-hmm. Originaire de Columbus, dans l'Ohio, United States. C'est possible ça. En activité depuis 2012. D'accord. Voilà, donc c'est pas récent, c'est pas vieux, c'est pas... Voilà. Un entre deux. C'est ça. Comment te dire, Birtouf ? Il y a des passages qui sont bien, mais il y a beaucoup de passages que c'est pas bien. Bah, alors, je m'incruste un peu dans ta chronique. Moi, je les avais vus au Download Paris de la première édition. Ouais. Ils jouaient un peu en main stage et je trouvais que c'était un bon groupe de main stage parce que voilà. Ouais, moi pareil. Non, mais en fait, c'est ni bien ni pas bien, c'est classique quoi. Genre, Ouais. Moi, je suis vraiment pas fan de tous ces chants hurlés, et puis d'un seul coup, ces petites voix mielleuses. Sur les couplets ? Ouais. Alors, j'arrive vraiment pas, quoi. Ça me parle pas, ça a tendance à m'irriter. Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis plus surpris, en fait, de leur place en Warzone. Je trouve que... Quelle heure ? 20h45, sérieux ? Ouais. C'est peut-être parce qu'ils viennent de l'Ohio, du coup ils ont un décalage. Ouais, mais ils viennent tard. Je les aurais vraiment plus vus en main stage. Hein. Ouais, vers 14h. Ouais, un truc comme ça. Ouais, mais... Donc t'as écouté quoi ? Qu'est-ce que j'ai écouté ? J'ai dû écouter un album, plus quelques titres d'autres, comme ça, qui sont passés Et t'as fait... inaperçus. Ouais. Il y a des passages sympas. Ouais, non, mais c'est musicalement, propre, c'est propre. C'est carré. Mais c'est vraiment. C'est tout le temps, quoi. Le changement de voix, moi, ça me. Après, je trouve ça beaucoup plus metalcore. Ouais. comment dire, metalcore mainstream que hardcore. Ah ouais, moi pareil, c'est exactement ce que je me suis dit. Parce que Mais franchement. pour te dire à quel point je suis tolérant, j'apprécie plus Trivium maintenant qu'à Merci. une époque. Ouais. Alors que à une époque, tu me faisais pas écouter du Trivium parce que c'était voilà. Donc pour te dire que je suis plus tolérant, mais là j'y arrive pas quoi. Non, mais Ouais. C'est au même, j'irais au même niveau, même rang que Cradle, tu vois. J'avais eu peur que tu me dises au même niveau que Trivium, j'allais faire putain. Non, mais au niveau de tolérance, tu vois, que voilà, ça peut passer, mais je n'irai pas, moi, de me dire, ah, je vais écouter du Beartooth Non, mais je comprends. ou du Cradle of Filth. Ou... D'accord, ouais. Oui, donc ta chronique va être assez succincte. Ah ouais, non, là, mais après, bon, je respecte tout à fait, comme je dis à chaque fois, mais c'est pas pour moi. Et l'album que tu as écouté, c'est plutôt dans les anciens ou dans les récents? Lequel j'ai écouté, je ne peux pas te dire. Pochette marron de mémoire. Je crois que c'est le dernier album. Moi, j'ai eu du mal avec le dernier. Je l'avais écouté à la sortie et j'avais pas trop Ah, trop tu kiffé. connaissais déjà avant, toi? Oui, mais bah, Ah oui, j'ai. parce que tu les as vus. Ouais. Non, mais je t'écoute pas des C'est fois, et du gentil. coup, Je crois que c'est sympa d'être à deux tout seul. T'as fait quoi l'autre jour? Bah, j'ai passé une soirée tout seul avec un pote. C'était sympa. C'était vachement bien. Enfin, c'était sympa. Je crois que quelqu'un a passé un bon moment, mais j'arrive pas à savoir si c'est lui ou si c'est moi. Peut-être lui, du coup, parce que... Ouais, c'est ça. C'est DC's. Ah bah moi je l'ai écouté à la sortie parce que je me dis, ah je me souviens de Birto. Et en fait j'ai fait, ah non, t'aurais peut-être dû écouter un autre en fait. C'est ça, j'ai pas compris non plus. Pourquoi agressif, c'est un loup qui tue? Je sais pas. Non, Bon bah d'accord. Je sens que tu ne seras pas En fait, ils devant. ont trois albums, c'est ça? Oui, sûrement. Et Un, j'ai dit que je deux, connaissais un peu, je sais pas non plus. Je sais pas tout à trois. fait. C'est dommage Parce pour. qu'en fait, les mecs, ils se sont fait Aggressive, un 12 titres en 2016. Aggressive Album Comment. Et ils ont fait Aggressive Deluxe, avec 18 titres. Donc ils ont rajouté 6 titres en 2017, un an après. En Deluxe Édition. Je vois bien que tu essayes de dire quelque chose à travers tout ça, mais je Ils ont vois fait Degusting, qui est leur premier album, qui est un 12 titres. Oui. En 2014 et en 2015, ils ont fait Degusting Deluxe Edition. Bah oui, bah qu'est-ce qu'il y a de surprenant? Non, mais en fait, les mecs, ils font que des Deluxe Editions. Regarde, il y a même le live from Download Paris. Mais Putain, ouais! j'y étais. Bah, ça se trouve, on va devoir dessus. Non, mais c'est de l'audio. Ah mais c'est dommage, t'aurais dû écouter Agressive, je pense. Tu crois? Bah oui, je pense que. Parce que moi je me souviens que d'ici Non, mais j'avais. je pense que de toute façon, c'est mort, ils sont face à Lamb of God. Bon, bah voilà. Pourquoi perdre du temps si précieux? Bah, c'est ça. C'est ça, très bien. Ils auraient même pas dû être dans le. Doit y avoir Henri. Genre auto-éliminé. Voilà, c'est ça. Ok, bon bah, je passe à mon dernier groupe alors. Ouais, si tu veux, ouais. Eh ben, je vais passer à Archspire. Ouais. Archspire. Archpire. Je passe à mon dernier groupe. Archpire. Archspire. Qui passe le samedi en Altar de 16h à 16h40 face à Boss Uncles et Sumac. Très bien. Donc, Archspire est un groupe de death metal technique, tu vois? Altar, death metal. Death metal technique. Ah, bah oui. Archpire. Bah oui. Un death metal Death technique. metal technique canadien, originaire de Vancouver, Ah en putain, ils sont canadiens. Colombie-Britannique. En Colombie-Britannique. Moi, j'aime bien le Canada, même si je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y rendre. Oh, certainement incessamment sous peu. C'est pas forcément prévu incessamment sous peu, mais c'est prévu. Qu'est-ce qui se passe? On a un fantôme? Alors, formé en 2007 sous le nom de Defenestrade, qui est un super nom de groupe. Blair Witch. Désolé. C'est quand même un super nom de groupe. Defenestrade? Ouais. Carrément. C'est Ça en. fait penser à Mike Brandt. À quoi? Mike Brandt. Ça doit être le groupe de son fils. C'est en Peut-être. 2009, après plusieurs changements de blase, que le groupe s'arrête sur le nom Archspire. En 2011, le groupe publie son premier album, All Shall Align. Mars 2013, le groupe signe avec le label français Season of Mist. Tiens. Et en 2014, sort le deuxième album, The Lucid Collective. Juillet 2016, le groupe est annoncé de retour en studio pour un nouvel album en 2007. En 2017, pardon. Et c'est l'heure du quiz. À cette période, le titre d'album n'est pas encore officiellement choisi. Mais le groupe hésite entre 1. Involuntary Doppelganger, 2. Relentless Mutation, 3. From Solitude to Infamy. Quelle est la réponse, Bob? En quelle époque? Combien tième d'album? Troisième album en 2017. Solitude and Infamy. Réponse, Relentless Mutation, qui est donc le troisième album du groupe. Je le savais. C'est pas grave, c'est pas grave. On applaudit quand même Bob qui a essayé, et c'est pas toujours facile de répondre à un quiz. Je vous dois combien ? Tu ne dois rien, mec. Ah, c'est nous qui devons des remerciements. Oh, merci gentil. Pour tous ces épisodes et ces heures passées à nos côtés. Oh, c'est gentil. Moi, c'est, c'est sincère. Oh, ça... En bref, Dawn of Disease, c'est un groupe canadien, donc des frères d'une autre reine. Presque plus technique que death metal, avec trois albums et qui vont venir tout défoncer sous la tente d'Altar. A noter qu'un projet ayant pris le mix de deux titres du groupe, à savoir Involuntary Doppelganger et Relentless Mutation, pour former Relentless Doppelganger, qui est un stream toujours en direct, qui crée via une intelligence artificielle de la musique non-stop de death metal. Là en ce moment, si tu tapes, je vais te le montrer, si tu tapes Relentless Doppelganger, tu vas voir, c'est complètement dingue. Ok. Si je tape Relentless. Relentless. Ça bougeait pas, hein, ça arrive. En orthographe. Relentless Doppelganger. J'arrive sur un stream qui est en direct. Je vais essayer de le mettre. On va voir si on entend. C'est l'intelligence artificielle qui crée en direct en non-stop. D'accord. Donc c'est différent, mais ça joue de la musique en non-stop. En non-stop. Qui recrée. Et après avoir fait beaucoup d'études sur différents styles de musique, ils se sont rendus compte que c'était le death metal qui se prêtait le mieux à cet exercice. Voilà. D'accord. Oui, en même temps. Donc, mon avis sur... Archspire. Et ben du coup, j'ai dû écouter que deux albums, en fait, parce que j'en ai trouvé que deux. Sur Spotify. Ah ouais ? Bah ouais, j'en ai écouté que deux, moi. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? J'en ai écouté que deux. Ah bah oui, j'en ai écouté que deux. Regarde, il n'y en a que deux albums. Ben ouais. Eh bien, j'ai écouté The Lucid Collective et le dernier, Relentless Mutation. En fait, c'est vraiment technique. Tu peux pas renier le truc, te dire, t'en prends plein les oreilles, ça a tout le temps plein de changements, sans arrêt, sans cesse, ça change tout le temps de rythme, de style, de plan, de guitare, de basse. C'est ultra technique. Pour ma part, je trouve ça même plus technique que mélodique, ce qui fait que de temps en temps, ça me perd un peu. Par contre, ce que j'ai remarqué qui était très très bien pensé, c'est que les albums sont courts. En l'occurrence, le dernier album qui dure qu'une demi-heure, c'est le temps pile poil pour pas que je décroche. Au-delà, je décroche parce que c'est trop complexe à écouter, en fait. Ça demande trop d'énergie, je trouve. Tu peux pas juste écouter comme ça. Les enchaînements des morceaux, je les ai pas vus. J'ai entendu un enchaînement de musique, mais... Pour ma part, et c'est vraiment personnellement, autant je reconnais que c'est hyper technique et impressionnant et intéressant, parce que vraiment, ça essaye plein de trucs, autant moi, il me manque une structure un peu plus simple de chanson pour vraiment kiffer et apprécier le machin, quoi. Ça a tendance à me perdre un petit peu, et une demi-heure, c'est bien, j'étais pas déçu de ce que j'ai écouté, mais j'ai pas de retenue de morceaux, j'ai pas retenu de titres. Et surtout, c'était ma limite, quoi. Je voyais bien me dire... Heureusement, après, je décroche. Ce qui est assez complexe, c'est aussi de savoir quand écouter cette musique. Bah ouais, parce que c'est... À quel moment de la journée tu peux écouter cette musique ? Parce que c'est vraiment ultra changeant, ultra... Ouais. Parce qu'il y a un moment propice. T'as pas de repère quand t'écoutes ce truc-là. C'est très... Ouais. Mais c'est hyper impressionnant, parce que vraiment... Carrément. Et toi, tu me disais que justement, t'avais bien aimé ce que... Bah ouais, moi j'adore ce genre de truc, hein. Pardon, excusez-moi. À souhait, à souhait. C'était pas du tout ce que vous croyez. J'ai éternué. Ouais, c'est ça. Oui, donc toi, tu disais que t'aimais beaucoup ce genre de style. Ouais. Et tu en as donc écouté un petit peu? Ouais. Et donc, voilà. Oui, ouais, c'est ça, voilà. C'est exactement ça. Non, mais j'aime bien, franchement, j'aime bien ce qui est... C'est déstructuré tout en étant structuré, c'est... Et puis, bah ouais, tu t'emmerdes pas, quoi. Ah, tu t'emmerdes pas. Ah, t'as toujours un truc à découvrir, c'est... J'aime bien, moi, quand il y a changement comme ça, et que c'est... Moi aussi, mais j'ai quand même besoin d'un tout petit... Ah, bah oui, non, mais d'une structure, mais... Après, de temps en temps, j'aime bien, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu ce côté cinglé. Mais oui, je suis d'accord, en fait, je suis entièrement d'accord avec toi, sauf que, du coup, c'est compliqué à écouter, parce que c'est soit t'écoutes directement tout l'album, mais comme tu vois pas la différence des morceaux, j'ai pas l'impression que tu peux te rattacher à un truc, en fait, c'est compliqué d'attraper le truc, je trouve, c'est... Moi, ce que j'ai cherché, en fait, vraiment le moment... En faisant de la cuisine, en prenant une douche, en allant au boulot, bah non, toujours pas. En me détendant le vendredi soir avec un verre à la main. C'est pas gagné non plus. Hein. Non, c'est... On t'écoute ça quand? Bah, là, au casque, à la chaîne. Ah, moi, j'écoute ça. Moi, écoute, j'écoutais ça au boulot, ça passait bien. J'ai écouté ça chez moi ce matin, ça passait bien, mais vraiment pas plus d'une demi-heure. Quoi. Ça m'a vraiment cet effet-là de me dire, ok, c'est bon. Et c'est pas parce que c'était chiant, mais c'est juste parce que ça demande une certaine énergie, en fait, tellement ça... Faut que t'écoutes, et puis ouais, ça demande de l'attention, ouais, d'écouter ce style. Tu peux pas mettre ça en fond... Je pense que si tu mets ça en fond de quelque chose lors d'une soirée, tu dois avoir l'impression d'un truc inaudible, en fait. Ouais, parce complètement. Et puis même, je pense que ça peut taper sur le système des gens. Bah ouais, grave. Et puis ça peut jouer sur l'ambiance aussi, quoi. Bah, c'est un peu... C'est pour ça que c'est particulier comme truc. Ouais. Mais c'est assez personnel, je pense, comme musique déjà. Après, le truc, ce qui est marrant, c'est que ça passe face à Boz & Kells et Sumac, et que j'ai envie de voir ni l'un ni l'autre. Du coup, ça serait plus vers ça que j'irais, mais je suis pas sûr d'avoir envie de le voir en live. Moi, j'ai prévu d'aller les voir, moi, mais. Pour voir ce que ça donne ? Ouais, carrément. Ça serait de la curiosité, mais parce que, en vrai, je ressens pas forcément le besoin de... Autant dans le dernier truc barré qu'on avait vu, qui était le groupe de Mac Patton, Dead Cross, ouais, qui était assez barré aussi, alors pas du tout sur le même niveau, hein, mais qui était bien barré et que j'avais envie de voir en live, mais il y avait quand même le côté structuré de chanson, donc beaucoup plus que... soit là j'ai pas assez écouté, donc faut vraiment que je m'apprenne du truc. Mais là, il me manque quand même 2-3 trucs. Après, à voir en live, peut-être que ça peut être un truc complètement fou, mais j'ai un peu peur que ça soit qu'une démonstration technique, quoi. Un peu pour le côté, tu vois. Bah oui, enfin après, tu sais, t'as ce concert-là mélangé avec tout ce que tu vas voir sur 4 jours. Moi, je pense que c'est... Pourquoi pas ? C'est pas une goutte d'eau, mais c'est... Non, mais moi, je suis assez curieux d'aller voir, donc du coup... Je dois dire que je suis... Et puis si ça me saoule, j'irai boire une bière. Non, mais après, tu restes pas insensible face à ce truc-là, tellement c'est particulier. Quoi. Ouais. Non, c'est sûr, c'est pour ça que j'ai envie d'aller les voir. Ouais, ça, je pense que la curiosité et les qualités, effectivement, peuvent donner envie d'y aller. Par contre, j'achèterai pas un album. Hein. C'est compliqué. Bah oui, parce que quand est-ce que tu le mets ? C'est ça. Très bien, tu passes à ton dernier groupe ? Mon dernier groupe, qui est Fiend. Putain, je m'étais dit... Ce groupe... Attends, je m'étais dit, on va vite, ça fait déjà 1h52. Ah, on va vite. Pas assez. C'est de pire en pire. Fiend, qui passe samedi sous la vallée de 11h40 à 12h10, face à Sipecore et face à Skindred. Écoute, moi je serais parti danser, toi, je sais pas où tu seras. Je serais parti danser avec Benji. D'accord. Ok. Alors, donc je vais vous lire, hein, tout simplement. Hein, quoi, tu nous racontes tu... Quand est-ce que tu racontes la blague? De quoi? Que tu m'as dit sujet de Fend. Que j'ai écouté plusieurs Fend. Oui. Et que j'ai mis du temps à... Et c'est pas faux de t'avoir prévenu, hein. Ouais. Je t'ai prévenu aussitôt. Je t'ai dit, tu vas galérer. Ça va être compliqué. Non, mais j'étais déjà en train de galérer quand tu m'as envoyé le message. Ah, flirt. Mais oui, alors c'est pas très drôle, c'est pas vraiment une blague, mais j'ai écouté un autre Fiend que j'ai bien apprécié. Mm-hmm. Du coup, Mais un fien avec un S. Donc du coup, voilà. C'est pas le bon. C'était pas le bon. Mais j'ai bien apprécié parce que ça restait, c'était du death metal, je crois. C'était plutôt cool. Ah, et donc alors, qui sont ces jeunes gens? Alors, bah, je vais vous lire justement le à propos de leur Facebook. Très très bien. Apparu il y a 13 ans, Fian est une entité musicale vivant en marge des bas-fonds de l'underground parisien. Mm-hmm. Cocorico. Cocorico, pardon, excusez-moi, j'y étais pas du tout. J'étais baignant complètement... dans une atmosphère mystique et occulte autant que désertique et lunaire, le son du quatuor franco-anglo-américain est difficile à catégoriser, mais les mots stoner, doom, sludge et psyché semblent être les plus usités. Et B. Voilà. Après l'accueil dithyrambique du premier enregistrement Hagla sorti en 2009, Fian sortit son deuxième album Onorus, One Rose, en 2014. Poussant encore plus loin le mélange de lourdeur opprimante et de lyrisme éthéré, tout en passant par les fantômes du blues et de la magie, le voyant Crowlien, pardon. Voilà, tout simplement, hein. Point, final, pas final, pardon. L'année 2018 voit la sortie du troisième album, Cirrus, sur le label Delight.fr. Delight, je sais pas, voilà. C'est une adresse mail. Une adresse IP. L'ombre de la secte Heaven's Gate aura ouvert un nouveau gouffre d'inspiration, de même que les dissolutions imposé par l'ordre éthico-moral monothéiste. Allez, mec. qui influe encore dans nos sociétés entrantes consciemment dans l'ère de l'apocalypse écologique. Ok. Voilà, ça c'est leur à propos sur Facebook. Hein. D'accord. Composé de musiciens jouant en ou ayant joué dans Sensair, Treponem Pal, Les Tigres du Futur, Ministry, Lodestar et 13 Zealots. Fiennes est devenu un fixe musical dont le venin emporte peu à peu les membres du groupe dans un vide existentiel. D'accord. Voilà. Ok. Tu t'y retrouves un peu dans... J'ai décroché à l'adresse IP, moi, mais... Ouais, pareil. Ouais, voilà, HTTP, voilà. D'accord. Delight. Très bien. Deadlight, pardon. Deadlight. Bon, d'accord. Et donc, alors... du coup, c'est quoi comme style? C'est du Doom, Stoner, ah oui, Sludge. Ah oui, le truc c'est un mélange. Et qu'est-ce que t'en as donc pensé? C'est lourd. Hein? Voilà. Bah, c'est plus lourd que Fiennes avec un S, en tout cas. D'accord. Malheureusement. Voilà, voilà. C'est lourd. C'est... Ouais, c'est... Après, moi, j'accroche pas trop le Doom, mais du coup... Ça me largue très vite. D'accord. Ouais. C'est pesant. Comme ils ont précisé, hein, c'est ésotérique, c'est dark, c'est... Voilà. Et moi, je décroche totalement de ce genre de musique très rapidement. Ok. Donc voilà. Quand dire, je serai pas, ce sera pas bien probant. Hein. Non. Non. C'était pas... Non. Non. C'était pas une très bonne expérience? Pas pour ma part, en tout cas. D'accord. Voilà. Donc, tu iras voir quoi? Je te demande pas si t'achèteras un CD? Bah non, du coup. Hein. Qu'est-ce que je sais plus ce qu'il y a en face? Il y a Cybecore et Skindred. Ouais, bah je sais pas, je vais certainement voir sur place. Bah, tu veux pas revoir Benji? Mais je sais pas, j'en sais rien. Peut-être. Bah merde. Bon, bah voilà, en tout cas, Fend. Non, j'accroche pas. D'accord. Dommage. Bah, c'est dommage. Bah écoute, c'est comme ça, ça arrive. Il y a des choses comme ça. Donc voilà pour nos groupes de l'épisode 22. Je te propose de passer au tirage au sort. Ouais. Qui sera pas loin d'être l'avant-dernier. Bah, c'est l'avant-dernier, je crois. C'est pour ça? Ouais. On n'est pas loin. Sachant que je t'ai dit que le dernier, j'allais faire un mix avec les groupes qui restent et ceux qui sont pas rentrés dans la liste. C'est que... ça. Donc là, je suis... Ouf. Ouf. FM. FM, c'est une bande radio, je connais bien. Ouais. Je te demande une seconde, parce que comme j'avais tout préparé, je fais des copier-coller pour gagner du temps. Nickel, à moi. Impaled Nazareth. Mmh. Je suis d'accord avec ça. Écoute. Putain, j'ai jamais... tu vas tirer trop vite, j'ai pas le temps de m'en sortir. Ça devrait pas être compliqué pour celui-là. Alors, Fu Manchu. Ah non, Lynyrd Skynyrd. Ouais. Bah, tu rigoles ou quoi? C'est une histoire de dingue. Il y a un avion et tout. Ouais, avec des morts. Bah alors. Avec trois membres du groupe original qui restent. Bah, donc c'est pas si facile. Non, non, mais pour ma part, viens. Parce que c'est... Tu connais bien? Bah, j'ai des albums. Ça veut rien dire, ça. J'ai des albums. Bah, ouais. Hey, no fun at all. Ah. Ça sent la Warzone. Ça sent le punk. Ça sent la Warzone. Petite seconde, excuse-moi, je me permets. Vas-y, vas-y, permets-toi. Hop, hop. Ah, parce que j'ai tout préparé, donc je copie-call. Ouais, cool. Oh, bah, c'est moi aussi, je pique-call. Non, j'ai que pique-call. Ah. Ouais, attends, t'es devin. Je sais bien. T'as tous les super groupes. C'est peut-être donc, ça. Donc, Fu Manchu. Allez, bim. Donc, normalement, là, il va y avoir un Diamond Head qui va sortir. Moi, je l'aurais bien pris pour moi. Parce que j'avais envie et que c'est un groupe... Mais c'est ça que je voulais dire. Il y a eu dans le commentaire Facebook que t'as laissé Death Angel et Diamond Head sont les deux groupes qui sont sous-estimés. Ah, d'accord. The Interrupter. C'est ce que j'utilise pour fermer ma lumière. Cool. Ouais, grave. Tu connais un peu, toi? Ouais. Vous avez écouté avec parcimonie. Yes. Donc, tu pourras tout à fait en parler pendant ma chronique. Et ton dernier groupe, mon ami? Dévourement. Eh ben, d'accord. Ça passe sous Altar. Ok. Je te spoiled. Ouais, bah écoute. Ah. Je crois que ça va pas être un groupe. Ah, et donc mon dernier groupe, croise les doigts, croise les fesses, Trollfest. Pas du tout ce que. Ce que tu voulais. Pas du tout ce que j'ai demandé, les gars. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Très très bien. Hop, hop, hop. Je te partage ça. Il manque juste les liens face de Buc, mais. Je m'en occupe, tu sais bien, au plus vite. Bah, bien sûr. De la confiance, tout ça. Voilà. Du coup, donc je vais vérifier après les groupes qui restent, les rajouter aux groupes qu'on n'a pas notés et on verra bien où c'est petit qu'on en sera. Ça sent la violence quand même, Dévourement. Ah ouais ? Bah écoute. Déjà, quand tu vois l'affiche, oh, ça oui. Sent la grosse violence. C'est pour toi, ça. Oh bon, écoute. Du coup, voilà, c'était donc l'épisode 22. Il en reste 2 avant le festival et 3 avant la fin de cette saison. Et les juillet, août, septembre, octobre. Et les presque 4 mois de vacances qui sont quand même mérités. Hein, parce que qui dit vacances de podcast ne dit pas qu'on reste à rien faire. Vous savez pas, nous, tout ce qu'on prépare d'une saison à l'autre, comment on taffe comme des dingues. Pas croire que... Ils voient pas que je monte, ils savent pas, les mecs. Ah ouais, c'est ça. Donc, du coup... On vous souhaite à tous une bonne semaine et on se retrouve par la force des choses la semaine prochaine. C'est ça. Ce sera le podcast de 18h. Ouais. C'est celui de 18h. C'est celui à 18h la semaine prochaine. Ouais. Ne le loupez pas. Et il sera en direct. Il n'y en aura pas d'autres. Hein. On ne fait pas de rappel. Attends, mais tu sais que il y a un mec qui m'a dit pourquoi tu ne le mets pas en live Facebook ou tout ça. C'est compliqué. Ouais. En gros, t'imagines filmer des canettes pendant une heure et demie, je ne suis même pas sûr qu'on entende en plus. Bref, donc, quelque chose d'autre à ajouter? Non, non, non. Eh ben écoute, ça me semble plutôt pas mal. Donc, bah, voilà. Ouais. On arrête alors? Bah, on arrête. Salut! Allez, des bisous. Oh putain, faut que je prenne en photo le... C'est lequel l'édition 2018? Comment ça? Parce que Julien au boulot il m'a dit ah mais les verres collector on peut savoir que le jeudi parce que moi je l'avais acheté à un désoiffeur mon verre. C'est faux tu n'as juste pas eu le collector. C'est ah tout. Bah oui c'est tout, c'est pas celui-là, ça doit être celui-là je crois. Non 2018, c'est une bonne question ça. Ah bah merde, bah je vais prendre... Je l'ai peut-être là-haut. Mais si, non, c'est un bleu avec le visage d'un enfant morbide. Sinon, je vais prendre ces trois-là en photo. C'est dans l'esprit de ceux-là, tu vois, un peu dans un bleu comme ça. Ouais, non, mais je vais prendre ces trois-là en photo, et puis... Non, mais il est là-haut. Je te passerai tout à l'heure. Très bien. Eh bien, écoutez, sur ce, hein, on va pas vous raconter toutes nos petites histoires. Hein. Voilà. Alors, on vous aime. On vous emmerde. Et à la semaine prochaine. Allez, bisous. Salut. Ah, faut que je coupe. Oui, non, je sais pas. Tu croyais que c'était fait? Oui. C'était pas fait. C'était pas fait. Non. Merde. Je suis désolé. Du coup, on n'a pas parlé du pass Knotfest. Pour dire quoi? Bah, je sais pas si je le mets en écrit ou si je le dis en oral. Je peux le dire là, on verra, ça fait réagir des gens. Mais... Ouais, tu crois? Tu crois vraiment? Parce que c'est quoi que tu regardes là? Ah non, rien en fait, ah, c'est un spoil d'un truc sur Rammstein. Ça spoil un truc sur Rammstein? Ouais, ouais, apparemment. D'accord. Bon bah j'arrête alors. Ouais. On dira pas que je fais gagner mon pass de Knotfest.